France Culture présente Le Prix d'Arthur Miller, enregistré au Casino Municipal de Cannes. Adaptation et mise en scène de Thierry Maulnier de l'Académie Française. Avec Paul Écoffard, Victor, Françoise Delisle, Esther, Claude Dauphin, Salomon, Roland Rodier, Walter. Nous vous prions d'excuser les quelques imperfections techniques dues aux conditions d'enregistrement. Un homme entre sur la scène, il tient une lampe électrique à la main, puis allume l'électricité. La scène se passe dans un appartement new-yorkais aux allures de grenier. L'homme est en uniforme de policier. Il tourne en rond, ramasse un fleuret, puis s'approche d'un phonographe et pose un disque sur le plateau. Toi et ton médecin, je croyais qu'il t'avait dit de ne plus boire. Un verre, ça peut pas me faire de mal. En tout cas, tout est normal. Il t'envoie ses amitiés. Eh ben, c'est gentil. Ah, l'acheteur va venir dans quelques minutes. Si tu veux prendre quelque chose, tu ferais bien de le prendre tout de suite. Oh, ça fait tout drôle. Non, tout est comme autrefois. Peut-être est-ce parce que ça m'a toujours paru si prétentieux et un peu bourgeois, mais ça a un certain caractère. Je trouve même que quelques-uns de ces meubles sont à la mode de nouveau, c'est étonnant. Ah, si tu veux garder quelque chose, hein, c'est le moment. Bah, je ne sais pas, tout est si massif. Puis où est-ce qu'on les mettrait? Oh, ce secrétaire est très joli. Il est à Walter et mon bureau était de ce côté avec mon lit. As-tu réussi à le joindre? Oui, je l'ai rappelé ce matin, il était en consultation. Il était à son cabinet? L'infirmière est allée lui parler une minute. Non, mais ça n'a aucune importance. À du moment qu'il est prévenu, on peut y aller. Oui, ça doit être du cristal. Ça irait peut-être bien dans notre chambre à coucher. Écoute, si on se retrouvait quelque part dehors, parce que moi, tout ça me déprime. Mais pourquoi? Mais il n'y en a pas pour longtemps. Allez, détends-toi. Viens, assieds-toi là. Allez. Le marchand doit venir dans quelques minutes, c'est un commissaire-priseur. Il y a quelque chose de si lamentable dans tout ça. Mais j'y peux rien, moi j'ai toujours été comme ça, je trouve qu'il y a de quoi devenir enragé. Alors voyons, mais ne te dragasse pas, on vendra tout et ce sera fini. À propos, j'ai été prendre les billets. Ah bon? Eh ben mon Dieu, j'espère que c'est un bon film. Je l'espère bien, $2.50 la place. Ah ça m'est égal, je veux aller quelque part. Tu sais, quand j'ai monté ces escaliers, que j'ai vu toutes ces portes ouvertes, ces pièces vides, ça paraît impossible. Bah, tu sais, à New York, ils démolissent de vieilles bâtisses tous les jours. Oui, oui, je sais, mais ça donne l'impression qu'on a 100 ans. Moi, je déteste les pièces vides. Bon, alors, quelle heure est-il et à quelle heure vient-il, ton marchand? Il est 6h20, il devrait arriver bientôt. Ça doit bien valoir quelque chose, tout ça, non? Oh, bah, beaucoup d'objets, je crois, ont de la valeur. Mais il va falloir que tu discutes ferme, hein? Tu dois pas accepter le prix qu'ils t'offriront. Non, alors t'inquiète pas, je discuterai ferme. D'autant plus qu'ils s'attendent à ce que tu discutes. Non, mais ne te fais pas de bile, on n'a même pas encore commencé. J'ai l'intention de discuter ferme, je connais la musique avec ces gars-là. Et qu'est-ce que c'est que ce disque? Ça, hein? Ah, c'est un disque pour faire rire, un succès des années 20. Et tu t'en souviens? Bah, très vaguement. On le jouait dans les réunions d'amis, tu sais, pour voir qui serait capable de garder son sérieux, ou bien peut-être alors qu'on s'asseyait tous ensemble autour du phono, tout simplement, et qu'on riait, ça. J'en sais plus rien. Quelle bonne idée. Ah, mais tu es superbe! Ah, mais tu sais, je vais discuter, hein, ne crois pas. Oh, que... mais je te crois. Tu vois, c'est la fameuse robe. Ah, c'est celle-là? Tiens, tourne-toi. Combien? 45. Le vendeur m'a dit que personne ne l'achèterait parce qu'elle était trop simple. Ah, bon Dieu, que les femmes sont donc sottes. Elle est vraiment élégante, quoi. Et tu vois, moi, ça m'est égal quand on en a pour son argent. Seulement, la plupart des choses qu'ils vendent maintenant, c'est de la camelote. Mais regarde-moi cette chemise. Bon, est-ce que c'est passé à une de celles que tu viens de m'acheter? Oh, bon, non, voyons, ça, c'est une des vieilles. Bon, bah, tout de même, et c'est comme ses talons. On a 3 semaines. Regarde-moi ça. On devrait écrire au syndicat des consommateurs. Bah, bien sûr, tu ne marches pas d'aplomb. Tu vas pas sortir en uniforme, j'espère. J'aurais tué ce gars-là. Je venais justement de me mettre en civil et McGowan essayait de prendre les empreintes d'un clochard qui voulait pas se laisser faire, alors il me balance son bras, là, juste comme je passais en plein dans ma tasse de café. Oh! Ah, mais j'ai porté le costume au teinturier, il essaiera de me le rendre à 6 heures. Il y avait de la crème et du sucre dans ton café? Ben oui. Eh ben, il te le rendra jamais à 6 heures. Il va essayer. Non, ben, tu parles. Oh, on ne va qu'au cinéma! Mais je sais, mais nous sortons si rarement. Et puis enfin, pourquoi faut-il que tout le monde sache ce que tu gagnes? Non, je t'en prie, Esther, ne recommence pas. Non, je veux ma soirée. Je veux m'asseoir au restaurant sans qu'un ex-policier ivre vienne à notre table parler du temps passé. C'est arrivé 2 fois, mais en combien d'années, Esther? Je sais que ça n'a pas d'importance, mais cet homme, l'autre jour au musée... Eh bien, il a vraiment cru que tu étais un sculpteur. Et alors, je suis un sculpteur? Bon, c'était agréable, c'est tout. Ouais. Tu es si bien vite en civil. Vois pas. Ah, oh, j'aurais dû prendre le nom de ce scotch. Ben, tu vois, tu as tort de boire, ça ne sert qu'à te déprimer. Oui, eh ben, c'est le genre de dépression qui me fait plaisir. Ouais, ça ratata. Tiens, j'ai une idée. Quelle idée? Pourquoi ne me quittes-tu pas? Envoie-moi juste assez d'argent pour le café et les cigarettes. Tiens, ils ont coupé l'eau. J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne t'en vas-tu pas une quinzaine de jours avec ton toubib? Ben, sérieusement, ça pourrait changer ta façon de voir les choses. Ben, si seulement je pouvais. Eh ben, fais-le. Il n'a pas d'uniforme, lui. Et tu pourrais aussi emmener le chien, surtout le chien. Qu'est-ce que tu as contre le chien? J'ai 80 dollars de facture chez le vétérinaire... Et chaque fois que je mets mon uniforme, il a l'air d'un manteau de fourrure. Ah, ça, c'est pas le chien. Bon, bah alors, c'est le chat. Avec ces deux-là, il faut que je me lève une demi-heure plus tôt pour brosser mes affaires. Quoi, bah, c'est pas drôle. Chaque fois que tu sors te promener sous la pluie, je n'ose plus respirer en pensant à ce que tu vas encore me ramener. Oh, mais n'exagère pas, tu l'adores. Bon, je l'adore. Bon, je l'adore. Chaque fois que tu bois un peu trop, tu me ramènes des animaux bizarres et je les adore. Je peux pas voir ce clep. Mais ça n'a rien de drôle, la maison pue. Ah oui, mais tu n'as rien contre le chat. Mais le problème n'est pas le chat. Enfin, Esther, tu es une femme intelligente, capable, tu ne peux pas traîner toute la journée comme ça, avec n'importe quel travail à mi-temps, tu saurais où aller. Mais j'ai pas besoin d'aller quelque part. Je suis pas encore tout à fait habituée à l'absence de Richard, c'est tout. Ben, il est parti. C'est un homme, maintenant. Il faut que tu fasses... quelque chose de toi. Je peux pas aller tous les jours au même endroit. Ça, jamais je ne le pourrai, jamais je ne le ferai. As-tu vraiment essayé de parler à Walter? Oui, j'ai eu l'infirmière, il était en consultation. Oh, le salaud, c'était écœurant. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il est comme ça. Oh, venir au téléphone après 16 ans, c'est la moindre des choses, non? Tu es furieux, là? Ah oui, surtout contre moi, qu'il ait appelé et rappelé comme un imbécile. Oh, puis après tout, flûte, qu'il aille au diable, hein, je m'en tirerai tout seul. Et sa part? Non, je ne veux pas avoir l'air d'une emmerdeuse, vite, mais je crois qu'il pourrait y avoir de l'argent là-dedans. Enfin, tu vas soulever le problème avec lui, n'est-ce pas? Oui, j'y ai pensé, il a droit à la moitié, pourquoi l'abandonnerait-il? Mais je croyais que tu avais décidé de le mettre devant le fait accompli. Bon, bah j'ai changé d'avis, je n'ai pas l'impression qu'il me doive quelque chose. Enfin, il ne peut pas conduire plus d'une Cadillac à la fois. Mais s'il a des Cadillacs, c'est pour les conduire. Bon, je vais te dire, les gens qui ont de l'argent ne le donnent pas facilement. Mais je vois pas pourquoi tu mets tout ça sur le plan de la charité. Oh. Enfin, il existe tout de même une dette morale. Oh, Esther, tu parles quelquefois comme un livre. Une dette morale, mais il saurait même pas de quoi je parle. Mais enfin, Vic, c'est toi qui as rendu possible toute sa carrière. Enfin, y avait-il une loi qui disait qu'il était le seul à avoir le droit de faire sa médecine? Je t'en prie, Esther, ne recommence pas avec ça. Mais je ne recommence rien du tout, voyons. Mais tu étais celui qui travaillait le mieux. Enfin, ça, c'est une vraie dette. On devrait l'obliger à y faire face. Enfin, jamais il n'aurait pu terminer sa médecine si tu t'étais pas occupé de ton père. Enfin, je veux dire que on devrait commencer à parler le même langage que les autres. Mais ça représente de l'argent, tout ça. Ah oui, ça, je me demande s'il y a là-dedans quelque chose de valeur. Mais pourquoi serait-ce sans valeur juste parce que c'est à nous? Mais pourquoi dis-tu ça? Mais parce que c'est notre façon de penser, je t'assure. Enfin, tu sais très bien discuter quand tu veux. Mais l'ennui, c'est que tu joues perdant. Oh, mon Dieu. Nous nous ressemblons tellement que c'en est pénible. Mon frère ne veut même pas venir au téléphone, alors... Alors, mais tu n'as qu'à aller cogner à sa porte ou lui écrire un mot, enfin, à toi de le faire aussi bien qu'à lui. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais parce que... Ça te déciderait peut-être à quitter la police. Mais c'est pas la question d'argent qui m'en empêchait. Alors qu'est-ce que c'est? Non, écoute, je vais simplement penser qu'avec un peu de fric, tu pourrais prendre un mois ou deux... Juste le temps que quelque chose se présente que tu as envie de faire. Mais justement, je ne pense qu'à ça. Il n'y a pas besoin de prendre un congé pour penser. Eh ben, il n'a pas l'air d'en sortir grand-chose. Mais c'est pas si facile. Je ne peux pas commencer une nouvelle carrière à mon âge. Non, je crois qu'il faut simplement que tu te jettes à l'eau. Démissionne, Vic, et alors... Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement urgent tout d'un coup. Tout d'un coup? Je n'ai fait que t'en parler depuis que tu as été nommé sergent. Mais ça fait 3 ans que je te répète la même chose. Non, ça fait pas 3 ans. Enfin, ça fait pas 3 ans. Si tu démissionnes maintenant, tu auras presque ta retraite entière. Tu pourrais trouver une situation qui te plaise. Mais enfin, pourquoi ne peux-tu prendre une décision? Pourquoi? Mais dire la vérité, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas des illusions, des rêves. J'aurai quel âge? D'ici à ce que je puisse commencer à faire quelque chose d'autre. Même si tu avais 20 ans de plus, on aurait encore trop de temps devant nous. Mais on pourrait faire un tas de choses intéressantes. Tu es si jeune, Vic. Vraiment? Mais oui, moi pas, mais toi oui. Mon Dieu, toutes les filles te tournent autour, d'ailleurs tu le sais bien. Ouais, ça, c'est difficile d'en parler parce que j'y comprends rien. Eh bien, mais alors pourquoi ne pas parler de ce que tu ne comprends pas? Mais enfin, pourquoi t'imagines-tu que tu peux y voir clair tout seul? Mais il faut bien que l'un de nous deux décide. Tu veux que je continue à faire semblant de croire que tout est pour le mieux? Mais je suis dans le brouillard. Je continuerai à nager dans le brouillard. Je t'ai demandé 50 fois d'écrire à Walter. Mais qu'est-ce que Walter vient faire là-dedans? Enfin, tu n'as rien à perdre à lui parler. C'est un homme de science éminent. Et dans cet hôpital, on est en train de faire construire tout un nouveau département de recherche. Je l'ai lu dans le journal. Et c'est son hôpital. Esther, il ne m'a pas appelé depuis 16 ans. Mais toi non plus, tu ne l'as pas appelé. Mais pourquoi l'aurais-je appelé? Mais parce qu'il est ton frère, qu'il a de l'influence et qu'il pourrait t'aider. Eh ben oui. C'est ainsi que font les autres gens. Et tu sais, ces articles qu'il a écrits étaient pleins d'un véritable idéalisme. Il y avait une vraie qualité humaine là-dedans. Mais les êtres changent, tu sais. Je regrette, je n'ai pas besoin de Walter. Non, mais je ne dis pas que tu doives l'approuver, c'est un sale égoïsme. Enfin, il pourrait bien te mettre le pied à l'étrier. Enfin, je ne vois pas ce que ça a d'humiliant. Je ne vois pas pourquoi c'est tellement urgent. Mais parce que je ne sais plus où j'en suis. Oh, je ferais n'importe quoi si je sais pourquoi. Mais durant toutes ces années, nous n'avons cessé de dire que le jour où tu changerais de métier, nous commencerions à vivre. C'est comme si on poussait une porte depuis 20 ans. Soudain, elle s'ouvre et on reste planté là. Oh, parfois, je me demande si je ne t'ai pas mal compris. Peut-être, après tout, aimes-tu la police? Je l'ai détestée à chaque minute. Oh, je t'assure, j'ai tout fait de travers. Je te jure que si j'avais exigé plus, je t'aurais aidé davantage. Non, voyons. Tu as été une femme formidable. Oh non, je ne le crois pas. Mais la sécurité était si importante pour toi que j'ai essayé de m'y faire. Mais j'ai eu tort. Ah, bon Dieu, juste avant de venir ici, j'ai regardé notre appartement pour voir si nous pourrions utiliser quoi que ce soit de tout ça. Mais je l'ai trouvé si laid. C'est usé, vieillot, sans goût. Et j'ai du goût, je le sais. Mais c'est parce que nous, tout était toujours provisoire. C'est comme si nous n'avions jamais réellement existé, comme si toujours nous allions exister. Ah, tiens, je repense à la guerre. Quand n'importe quel imbécile gagnait tant d'argent. Eh ben, c'est à ce moment-là que tu aurais dû t'en aller. Je le savais, je le savais. Mais c'est justement alors que je voulais m'en aller. Mais je voulais m'en aller et tu as eu peur. Ah ben, parce que tu as dit qu'il y aurait une crise après la guerre. Bon, eh ben, va à la bibliothèque, consulte les journaux de 45 et vois ce qu'on y dit. Oh, ça m'est égal. Bon, ben, je t'assure, Esther, quelquefois tu donnes l'impression qu'on n'a pas eu de vie du tout. Oh Dieu, ma mère avait raison. Jamais je n'arrive à croire ce que je vois. Je savais que tu n'en sortirais jamais si tu ne le faisais pas pendant la guerre. J'ai vu ça arriver et j'ai rien dit. Ah, sais-tu quel est le malheur? Oui, quoi? On n'arrive pas à penser à l'argent. On s'en inquiète, on en parle, mais on n'a pas l'air d'en vouloir. Moi, oui, mais toi, pas. Eh ben, moi, j'en veux, Vic. J'en veux vraiment. Vic, je veux de l'argent. Et tu veux de l'argent, bravo. Oh, fous-moi la paix. Cesse de te comparer aux autres, Esther. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, tu seras une ratée, ma petite, parce qu'il y aura fatalement quelqu'un de plus fort que toi. Enfin, tu as toujours su que tu allais démissionner. Mais oui, seulement... On regarde ce satané formulaire. On ne peut pas s'empêcher de penser. On a signé son nom pour 20 ans et on se demande, est-ce tout? Oui, l'ennui, c'est que lorsque je réfléchis à une nouvelle carrière, je me regarde dans la glace et quelque chose se vide et tout a l'air d'une blague. Mais tu as beaucoup de temps devant toi encore, Vic, vraiment. Oui, je sais. Seulement, il y a là-dedans quelque chose de presque effrayant. Ben oui, c'est comme quand je suis entré tout à l'heure ici. Tout ça m'a frappé comme une sorte de blague. Entassé tout ce bazar là comme si c'était de l'or. C'est tout juste et si on n'a pas conservé les clous du tapis. Enfin, je veux dire, tu regardes en arrière et tant de choses qui te paraissaient tellement importantes en fin de compte sont simplement ridicules. Comme la façon dont je me comportais avec papa. Tout ça me paraît presque inconcevable. Tu l'aimais bien. Oui, je sais, mais ce ne sont que des mots. Qu'était-il, après tout? Un homme d'affaires lessivé comme mille autres, et j'ai agi comme si une montagne s'était effondrée. À vrai dire, toute cette histoire me semble par moments racontée par quelqu'un d'autre. Ça ne t'est jamais arrivé? Oh, toute la journée, tous les jours. Non, n'exagérons pas. Oh, mais c'est la vérité. Quand j'ai monté ces escaliers pour la première fois, j'avais 20 ans. Oui. 20 ans, est-ce possible? Et quand tu as ouvert ce carton contenant ton premier uniforme, tu te souviens? Oui. Quand tu l'as mis pour la première fois, comme nous avons ri? Oui. C'était comme un déguisement. Oui. Nous avions raison. C'est à ce moment-là que nous avions raison. Ah, allez, n'en parlons plus. Moi, je ne peux plus me supporter ici. Je vais me promener. Non, te promener, ça ne me rend pas ici. Enfin, quoi? Je ne suis pas une alcoolique. Enfin, c'est fini, non? Tu as une belle vie comparée à celle de beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Ah non, ne me parle pas d'enfantillages. Pas ici. Tu laisses tout ça traîner ici pendant des années parce que tu n'es pas capable d'avoir une simple conversation avec ton propre frère. Tu as toujours 18 ans devant cet homme. Bon, allez, ça va continuer. Je vais aller chez le teinturier. Chercher ton costume. Tu as le reçu? J'ai besoin de prendre l'air. Au coin de la 7e avenue, l'adresse est dessus. Bon, viens tout de suite. Oh, ben tu fais ce que tu veux. Tu as encore grincé des dents la nuit dernière, tu le savais? Ah, ça m'étonne pas que j'ai mal derrière l'oreille. Si seulement j'avais un magnétophone, mais je t'assure, c'est à vous donner la chair de poule. On dirait que tu croques des cailloux. Oui, ben si tu t'entendais, tu ferais pas tellement le malin. Mais enfin, fais quelque chose. Si tu veux rester dans la police, reste-y. Si tu ne veux pas, n'y reste pas. Mais que je sache ce que je dois faire de ma vie. Non mais qu'est-ce que ça veut encore dire? Faut que tu sautes du lit le matin en sachant ce que tu veux faire. Enfin, tu sais parfaitement ce que ça veut dire. Ah, ah que je vaille mieux que toi. Oh, une de ces vieilles radios que j'avais fabriquées. Oh, mamma mia, regarde-moi ces tubes. Elles marchent? Oh non, il faut une batterie pour ça. C'est celle sur laquelle tu prenais Tokyo? Ben oui, voilà le monstre. Pourquoi ne la gardes-tu pas? Oh, à quoi bon? Est-ce que tu ne m'as pas dit que vous aviez un labo ici? Ah, bien sûr. Nous l'avons déménagé quand papa et moi nous sommes installés ici. Walter avait ce mur-là, moi celui-ci. Ah, on a fait des trucs formidables dans ce pigeonnier. Ah, c'est étrange, tu sais, tout ça... Il me semble que j'ai tout oublié. On travaillait parfois ici des nuits entières et... ma mère... Je faisais de la musique dans la bibliothèque en bas et la pièce en était pleine de musique. Ah, c'est étrange car une harpe, c'est faible, doux. C'est un amour, oui. Allez, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce type? Je vais appeler quelqu'un d'autre. Allez, viens. On va aller chercher mon costume et faire comme les gens riches. Allez, zou. Oh, tu sais, tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire que... Non, on n'en parle plus. Alors attends, tiens. Je vais embarquer ces trucs-là avant que quelqu'un ne vienne et les emporte. Oh, ben tu pourrais peut-être encore t'en servir. Oh, non, non, non, c'est trop difficile, hein. Tout est dans les cuisses. Ben, fais-moi voir. Oh, non, non, non, je ne pourrais plus plier assez les genoux. Oh, ben tu pourrais peut-être t'y remettre. Non, c'est trop dur, c'est le sport le plus difficile au monde. Allons. Bon, allez, mets-toi là. Moi? Oui, n'aie pas peur, hein. Regarde-moi ça, hein. Magnifique fleuret, hein. Il a l'air vivant. Tu y es? Je pourrais défier Princeton avec ça. Allez, un, deux. Ah, c'est cool. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est formidable. Vous voulez quelque chose? Vous êtes sûr que vous voulez pas un peu d'eau? Non. De l'eau, pas besoin, non. Un peu de l'air, ça serait mieux, merci. Mon garçon, ça c'est de l'escalier. Hein. Ça va mieux maintenant? Pour un escalier comme ça, on devrait vous le payer une prime de vol. Encore deux, trois marches et on est au ciel. Monsieur l'officier, excusez-moi, je cherche des gens. Les noms, attendez, j'ai là les noms. Les noms, c'est France. Oui, France, eh oui. Ben, c'est moi, Paul France, Victor France. Ah, là, c'est un agent. Je n'avais jamais encore fait le business avec un agent de la police. Ah ben, je suis content de vous le connaître, monsieur l'officier. Je m'appelle Solomon, Grégory Solomon, oui. Voici ma femme. Comment allez-vous? Très jolie. Ça, c'est une jolie femme. Comment ça va, chérie? Ah, très jolie robe, hein? Je viens de l'acheter. Ah, vous l'avez très bon goût, félicitations. Trankesunterheit, hein? Portez-les en bonne santé. Je vais aller chez le teinturier, chérie, je reviens tout de suite. Vous en avez pour longtemps? Ah, avec l'immeuble de l'occasion, on sait jamais, hein? Ça peut être court, ça peut être long, ça peut être la moitié. En tout cas, faites-lui un bon prix, hein? Oui. On va s'occuper tout ça 100%. Parce que vous savez, il y a des choses superbes là-dedans. Oh, ouais. Moi, je le sais, mais pas lui. Alors, je suis pas 70 ans dans le business sans me connaître. Allez, allez, amusez-vous bien chez la teinturier. J'espère que je vais vous aimer. Oh, oh, mon chéri, toutes les filles m'aiment. Qu'est-ce que je peux faire? Bon. Fais bien attention. Oui, à tout à l'heure. Elle me plaît, hein? Elle se méfie. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, une fille qui croit tout ce qu'on raconte, vous pouvez pas faire confiance, ben. J'ai raison. Hein? Une fois, j'avais une femme... Oui. Ouais, ça n'a pas l'importance. Mais, excusez-moi, monsieur l'officier, mais comment vous l'avez trouvé, mon nom? Dans l'annuaire. L'annuaire? Et pourquoi? Ah non, non, c'est parfait. Oui, vous y êtes classé dans les commissaires-priseurs. Oh oui, je suis classé, je suis patenté, je suis même vacciné. Ah. Il y en a beaucoup, la meuble. Hein. Eh, oui. Tout ça, c'est pour la vendre. Eh, ma foi, oui. Ah, oui. J'aime mieux savoir de quoi on discute. Hein. Franchement, dans ce quartier, je ne m'attendais pas à trouver une cargaison comme ça, c'est une vraie surprise. Ah oui, mais j'avais signalé qu'il s'agissait de tout un lot. Oh, faut pas se nerver. On va arranger tout ça très, très correctement. Je me mêle pas, monsieur l'officier, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec tout ça? Tout ça, c'était dans ma famille. Ah, on dirait que c'est là depuis très longtemps. Hein. Oui, mon père avait tout monté ici après la crise de 1929, et mes oncles ont repris la maison et lui ont permis de garder l'étage, et c'est ici qu'il est mort. Ah, je vois. Bon, alors, Oui, je vais me l'occuper tout de suite. Je ne perds pas une minute, bon. Je suis très occupé. Il est mort, votre père? Oui, il y a longtemps, 16 ans environ. Ah, Alors tout ça, c'est là depuis 16 ans. Bah oui, on n'a jamais su quoi en faire, mais maintenant on va démolir le pâté de maison, alors... Ah, mais c'est de la bonne qualité, vous savez, ils avaient de l'argent. Oh, je vois, très bon. Moi aussi, j'étais de la bonne qualité. Aujourd'hui, plus tellement. Le temps, vous savez, c'est quelque chose de terrible. La table de l'harmonie, là, il est craqué. Non, non, mais il ne faut pas se nerver, hein. Ça peut encore faire la belle musique. Ah, oh, c'est drôle. Une armoire comme ça, il y a 30 ans, on ne pouvait pas vendre. Un vrai poison. Puis aujourd'hui, tout à coup, ils en veulent tous de nouveau. Allez donc savoir. Bon, alors, donnez-moi un bon prix, on fait l'affaire. Bah, alors, franchement, je ne vais pas vous le mentir, monsieur l'officier. Tenez, par exemple, la secrétaire, là, ça, j'ai pu la vendre tout de suite. Oh, oui, très beau, très, très beau. Puis la chaise aussi, ça, c'est des très jolies chaises, là. Et ça, j'adore les chaises. Ah, mais il y a aussi l'autre chose dans la chambre à coucher, si vous voulez voir. Ah, oui, oui, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah, ça, j'aime les lits, hein. C'est un très beau lit sculpté, ça. C'était le lit de vos parents? Oui, ils l'ont acheté en Europe, ils voyageaient beaucoup. Ah, oui, très beau, très chic, il me plaît, là. Bon, à propos, monsieur Salomon, cette table de salle à manger est à rallonge, on peut y mettre facilement 12 ou 14 personnes. Ah, oh, oui, mais même 17, hein, on les serrons un peu. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai cru que vous étiez en train de l'assassiner, votre femme, quand je suis entré. Non, ça, j'ai fait de l'escrime il y a des années. Vous l'avez été dans la collège? Oui, environ 2 ans. Ah, très intéressant, ça. Non, c'est de l'histoire ancienne. Ah, non. Écoutez, ce qui arrive aux gens, c'est toujours la chose importante pour moi. Hein. Parce que quand est-ce que c'est qui m'appelle? Ou bien quand ils divorcent, ou bien quand il y en a un qui est mort. Alors, c'est toujours une nouvelle histoire. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est toujours différent, mais c'est la même chose. Et ça, vous ramassez les morceaux. Ah, voilà, très bon. Je les ramasse les morceaux, oui. Un peu comme vous, je crois. Vous devez en ramasser des histoires, oui. J'ai raison? Non, pas très souvent. Ah, qu'est-ce qui vous l'est au juste? Un agent de la circulation? Oui, un agent chargé de la surveillance, la plupart du temps à Rockaway, sur les aéroports. La Sibérie, quoi. Je préfère ça. Voilà, ah, on garde la main propre. Exactement. Bon, alors, qu'en dites-vous? Ah, oui, oui, c'est que j'en dis. Vous le voulez, un cigare? Ah non, merci. Non, j'y ai renoncé depuis longtemps. Oh, ça, vous l'avez la chance. J'aimerais bien renoncer, moi aussi. Mais à mon âge, ça risquerait plutôt de me le faire du mal. Bon, si vous n'avalez pas la fumée, il n'y a pas de danger. Écoutez, mon garçon, à côté des femmes, ça, c'est la vitamine C. Vous tombez encore les femmes? Si je les tombe, bien sûr, je les tombe. Seulement, je ne peux plus me rappeler pourquoi faire. Bon. Ah, excusez-moi, monsieur l'officier, est-ce que vous avez une sorte de papier, là, pour prouver la propriété? J'en ai pas. C'est moi, le propriétaire. Ah, bon. Autrement dit, il n'y a pas de frère, pas de sœur? Si, j'ai un frère. Ah. Ah. Et vous l'êtes bien avec lui? Non, je ne me mêle pas, monsieur l'officier, mais je n'ai pas besoin de vous le dire que dans les familles, ils s'aiment tous comme les fous. Hein. Et puis quand il y en a un qui est mort, tout à coup, ils veulent tous savoir qui c'est qui va hériter de quoi, là, et ils ont tous les couteaux tirés. Non, aucun problème de ce genre-là ici, rassurez-vous. Bon, non, si on discute que de quelques meubles, ça m'est égal, à me prendre tout ça sans le papier, hein, c'est... Non, mais très bien, j'obtiendrai de mon frère une attestation, bon, vous en bon, faites pas. Bon, alors ça, c'est net, hein, parce que même chez les gens distingués, vous pouvez pas imaginer le Kapdreyeni. Oui, vous ne la parlez pas, la yiddish, la manigance. Hein, des professeurs, des avocats, des médecins, des vedettes de la télévision, hein, ils sont prêts à risquer $500 dans un procès pour récupérer une vieille pendule qui ne vaut pas 50 cents. Hein. J'ai dit que vous auriez une attestation. Bon. Alors, qu'en dites-vous? Bon, alors, c'est... Ah, bah, tenez, par exemple. Hein. Ouais. Vous parliez la table de la salle à manger, là. Bon, alors ça... Ça, c'est du jacobin espagnol. Oh, oui, ça valait 1200, 1300 dollars, hein, en 1921-22. J'ai raison? Ah, bah, probablement oui. Ah, je vois que vous êtes un homme intelligent. Hein. Alors, avant de vous le dire davantage, je vous demande de vous la rappeler qu'avec la meuble de l'occasion, il ne faut pas pleurer. Mais j'ai rien dit. Monsieur l'officier, Vous êtes un agent de la police, moi je suis un marchand de meubles. Nous connaissons la monde tous les deux. Hein. Alors, pour ce qui est du jacobin espagnol, vous vendrez plus facilement une jambe de bois. Il en va pourquoi ? Cette table est en parfait état. Mais monsieur l'officier, vous parlez réalité. Mais on ne peut pas parler réalité avec la meuble de l'occasion. Les gens, ils n'aiment pas ce style-là. Hein? Alors, non seulement ils ne l'aiment pas, mais ils le détestent. Ah, c'est comme pour la table, là, ou pour la balibothèque, là. C'est la même chose. Bon, hein? Alors, dites-le tout de suite, vous ne voulez prendre que ce qui vous intéresse. Faut pas se nerver. Non, je ne vais pas vous donner ce qu'il y a de mieux et garder le reste. Non, tout ou rien, ou alors on n'en parle plus. Je vous ai dit au téléphone que c'était pour tout un lot. Ah, pourquoi vous l'êtes si pressé? Parlons un petit peu, on verra bien ce qu'il arrivera. Oui. Rome, il n'a pas été bâti en une journée. Non, vous voyez, ce que je pensais, c'est que je vous le ferai un prix si fantastique. Pour quelques petites choses. Non, pas pour quelques petites choses, on va démolir le pâté de maison. Bon, très bien. Nous nous comprenons très bien tous les deux. Alors, il n'y a pas la raison de pleurer, hein? Qu'est-ce qui se passe avec le crime cette année? Ça augmente, non? Oui, ça augmente. Excusez-moi, je ne dirai plus rien. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible avec une petite conversation? La vie est courte, monsieur l'officier. Oh, ils marchent les disques, là? Oui, ils marchent. J'en garderai peut-être deux ou trois. Oh, regardez-moi celui-là, là. Gallagher et Sheen. Enfin, vous n'allez pas le mettre maintenant. Oh, pas besoin. J'ai été sur la même affiche avec Gallagher et Sheen dans au moins 50 théâtres. Vous étiez acteur? Un acteur. Un acrobate. Toute ma famille était acrobate. Vous l'avez jamais entendu parler des cinq Solomon? Ah, qui reposent en paix. Je l'étais Sylvie qu'il était tout en haut de la pyramide humaine. Ah. Oui, c'est curieux, je n'ai jamais entendu parler d'un acrobate juif. Mais Jacob, alors il n'était pas acrobate peut-être? Pour lutter avec l'ange là? Tous les juifs ils sont acrobates depuis la création du monde. Ah, j'étais un vrai cosaque à l'époque. Hein. L'alcool, les femmes, le knout, là, n'importe quoi. Au galop, galop, galop, rien ne m'arrêtait jamais. Seulement la vie, oui mon garçon. Gallagher et Sheen. C'est drôle de se retrouver tous les trois ici chez vous. Comme bon, écoutez, ça. Monsieur Salomon, comprenez-moi bien, je ne suis pas sociable. Ah non? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas un homme d'affaires et je vaux rien pour la discussion. Alors, faisons un prix et finissons-en, d'accord? Alors, vous voulez pas qu'on soit amis? Voilà. Bon, alors on sera pas amis. Mais écoutez, pour que vous me le connaissiez un peu mieux, je vais vous le montrer quelque chose. Hein? Oui. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? Ça, ça allait mon congé de la marine britannique. Ah. Vous voyez? Service de la Sa Majesté, là. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la marine britannique? Non, alors, on parle plus de la marine britannique. Mais qu'est-ce que ça dit, là, pour la date de la naissance? 1800, oui. Voyez, mon garçon. Comment, vous avez plus de 90 ans? J'ai quitté la Russie il y a 67 ans. Et j'en avais 24 ans. Et toute ma vie, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai fait l'amour avec toutes les femmes qui me le laissaient faire. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de vous le voler? Mais depuis quand a-t-on besoin d'une raison pour voler? Alors là, j'ai jamais vu un homme comme ça dans ma vie. Bon, alors c'est possible, alors maintenant, vous allez me donner un chiffre. Mais ou comment alors... je peux vous donner un chiffre? Vous croyez pas un mot de ce que je vous le dis? Mais enfin, je vous connais depuis à peine 5 minutes et vous me demandez d'avoir confiance en vous. Écoutez, monsieur l'officier, ici, vous n'êtes pas un agent de la police. Et si vous voulez le faire un peu de business avec moi, vous devez me le faire un peu de confiance. Sinon, il n'y a rien à faire, alors j'y suis... Ah, et puis n'en parlons plus. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je ne peux pas travailler comme ça. Je suis trop vieux pour que chaque fois que je l'ouvre la bouche, vous me traitez de voleur. Non, mais qui vous a traité de voleur? Alors, je ne veux pas tout ça. Hein? J'en ai pas besoin de tout ça dans ma magasin. Et puis, n'oubliez pas, je ne vous l'ai jamais fait un prix. Et vous voyez ce que vous l'avez fait à moi? Je ne vous l'ai jamais fait un prix. Non, mais vous êtes venu ici pour me faire une grâce. De quoi parlez-vous? Monsieur l'officier, je vous le plains. Qu'est-ce qui c'est qui vous prend? Vous êtes pire que ma fille. Vous croyez rien, vous respectez rien, comment vous le pouvez vivre? Vous croyez que c'est malin, ça? Un grand chirurgien. C'est si difficile ce que vous le faites. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil, monsieur l'officier. Ça n'est pas difficile de ne rien croire. C'est de croire encore à quelque chose. C'est ça qui est dire. Et si vous n'y arrivez pas, mon garçon, alors vous êtes un homme mort. Voilà. Salomon, voyons, voyons. Alors, vous avez un problème avec ces meubles-là. Alors, si vous voulez rien entendre, à quoi ça sert que je parle? Mais enfin, j'écoute, bon Dieu de bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Tomber à genoux? Vous l'aimez, les fêtes, hein? Oui. Bon, alors moi, je vais vous le donner, les fêtes. Voilà, je vais vous le parler de l'architecture. Bon, alors, voilà, là, alors, qu'est-ce que ça dit, là? Ben ça, 40 pouces, alors. Alors, les portes dans les chambres à coucher dans les appartements modernes, ça mesure pas plus que 30 à 32 pouces de large. Bon, alors, vous pouvez pas faire entrer, ça! Si on construisait des vieilles maisons, je pourrais vendre tout ça, mais on n'en construit que des neufs. Alors j'essaie de vous donner un point de vue moderne, parce que le prix de l'immeuble de l'occasion, ça n'est qu'une question de la point de vue. Et si vous ne la comprenez pas, la point de vue, vous ne pouvez pas la comprendre l'après. Voilà. Bon, et alors quel est le point de vue? En somme, tout ça vaut rien. Ah non, ça c'est vous qui l'avez dit, moi je ne l'ai pas dit. Non, je peux vendre la harpe, là, ou bien les chaises, le lit, la secrétaire. Non, je ne vais pas vous donner le dessus du panier, hein. Mais faut pas se nerver. Enfin, bon Dieu, mais allez-vous me faire une offre, oui ou non? Et comment je peux vous le faire une offre, alors? Non, mais... Oh, écoutez, monsieur l'officier, je peux pas. Bon, alors, écoutez, nous allons parler argent maintenant, hein. Bon, très bien. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, les prix ont l'air de baisser. Mon garçon, les prix, il n'a pas changé depuis que je suis entré ici. Bon alors, quel est le prix? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous tracasse? Je regrette, je n'aurais pas dû venir. Je croyais qu'il s'agit que de quelques meubles, mais c'est trop pour moi. Mais alors pourquoi êtes-vous venu? Je vous ai dit au téléphone qu'il s'agissait de tout un lot, bon Dieu! Moi, vous m'avez appelé, alors je suis venu. Qu'est-ce que je devrais faire? Me le cocher? Mourir? Écoutez, monsieur l'officier, je désire énormément vous le faire une offre, mais la seule question, c'est que... Voilà, il y a 2 ans à peu près, je me suis dit, tu sais, mon vieux, il est temps. Hein? Alors j'ai presque vidé mon magasin. Je vis maintenant dans mon arrière-boutique avec un réchaud. Je me suis resté assis là et j'ai attendu. Et vous voyez, il n'y a rien qui est arrivé. Je suis pratiquement immobile à 100%. L'ennui, c'est que j'adore travailler. J'adore ça. Je ne sais pas quoi faire. Bon, enfin... Alors. Bon, écoutez, monsieur l'officier, je vais bien vous le faire une offre seulement... Voilà, je voudrais vous le dire quelque chose. Bon. Ces meubles-là, c'est très particulier. Vous comprenez? Les gens, ils vont arriver, ils vont jeter un coup d'œil dessus, et ça les rendra très nerveux. Voilà. Non, Salomon, voilà que vous recommencez. Ah non, je ne marchande pas. Mais enfin, pourquoi est-ce que ça les rendrait nerveux? Voilà. Parce que ils savent que ça ne se cassera jamais. Oh non, vous allez encore recommencer, un peu de pitié. Garçon, vous connaissez rien à la psychologie. Si ça ne peut pas se casser, ça n'intéresse personne. Parce que qu'est-ce que c'est le mot-clé aujourd'hui? Disponible. Hein? Plus vous pouvez jeter, plus c'est beau. Hein? La voiture, la meuble, la femme, les enfants, tout ça, ça doit être disponible. Parce que la chose importante de nos jours, qu'est-ce que c'est? C'est la shopping. Hein? Autrefois, un homme, il était malheureux, il ne savait pas quoi faire de son personne. Il allait à l'église, il faisait une révolution, quelque chose, quoi. Aujourd'hui, on est malheureux, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que c'est qui nous sauve? La shopping. Ah là, vous êtes sensationnel. Ah non, mais je vous le dis la vérité, si vous la fermez la supermarket pendant un mois, ça fait la véritable massacre. Alors avec ces meubles-là, c'est fini la shopping. Il n'y a plus moyen. On les a. On peut pas les casser. Alors vous avez un problème avec ça. Alors Salomon, vous êtes un type formidable, mais avec moi ça ne prend pas, j'ai pris de l'avance sur vous. L'ennui, c'est que vous êtes si jeune, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Je comprends très bien et je ne suis pas tellement jeune. Oh, quel âge vous l'avez? 40, 45? Oh là là, plus de 45. Oh, Kindley, un petit bébé. Un drôle de bébé. Ah, mon Dieu, si je l'avais votre âge, alors je me suis marié à 75 ans. Non, ouais. Allons donc. Ah, oui, oui, oui. Elle vit encore là-bas, sur la 8e avenue. C'est pour ça que je la garde mon argent dans la liquide, qu'elle ne peut pas mettre la main dessus. Ouais. Les oiseaux. Elle adore les oiseaux. Elle vit là-bas, dans sa cuisine, avec une centaine d'oiseaux. Ouais. Elle vous sert une assiette de la soupe, là. Pff, c'est plein de plumes. C'est pas pour les oiseaux que je l'ai travaillé toute ma vie. Oui, mais, monsieur Salomon, je comprends très bien vos problèmes. Malheureusement, je ne peux pas les soulager et je n'ai pas le temps. Bon, alors, écoutez. Là, alors, je vais acheter. Voilà, je vais me décider. Je vais me ruiner complètement, mais je vais acheter. Bon, alors, il s'agit de la totalité du lot. Tout, absolument tout. Tout, je vais tout acheter. Voilà. Je vais voir ce que ça fait. Je vais faire une petite addition, une grande soustraction, et puis alors je vais vous faire un très bon prix, vous allez être un homme heureux. Allez voir ça. Alors, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous déjeunez maintenant? Maintenant, ça vous me fait tellement discuter que ça me le donne la femme. C'est très mauvais pour moi de l'avoir la femme. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est fini, oui. Ah, vous voulez pas que j'ai le meurtre de la femme, hein? Non, mais je vais aller très vite, vous allez voir, merci. Oh là là, sur quoi je suis tombé? Excusez-moi, monsieur l'officier, vous l'auriez pas un peu de sel par hasard? Ah non, je vais pas courir après le sel maintenant. Non, je vous l'en prie, gardez la bonne morale, hein. Non, c'est parce qu'il est... Les docteurs, ils me l'ont donné, la régime sans sel. Oui. Mais l'ennui, c'est que je n'aime pas la régime, mais je l'aime bien la sel. Ouais. Alors, quand il n'est pas là, l'adapteur, je le mets à feu des sels. Vous voyez, ça a bien marché, parce que quelquefois, la coquille ne s'en va pas du tout. Ça dépend si la poule elle a de mauvaise humeur quand elle a fait l'œuf, on ne peut pas l'enlever la coquille. Là, elle était de bonne humeur, la poule. Merci à votre bonne santé, monsieur l'officier. Vous savez, je vais vous le faire tomber sur la derrière avec mon prix, vous allez voir. Alors maintenant, allez, c'est sérieux, je vais calculer comme une machine IBM. Bon, c'est pas trop tôt, alors allez doucement maintenant que vous êtes sérieux, doucement, doucement. Oi. Hein? Hein? Et vous êtes vraiment marié à 75 ans? Oh, qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Ah non, je trouve ça formidable. Mais dans quel but? Ah, qu'est-ce que c'est la bite quand on s'est marié à 25 ans? On peut pas être coquille à 26? Ça, évidemment. Oui. À 75 ans, je me suis marié. Et puis à 53 ans, je me suis marié. Et puis à ça, à 22 ans, je me suis marié. Vous pourrez vous blaguer. Ah, ça, je voudrais bien. Ça, vous êtes un type formidable. Quel âge avez-vous, vraiment? 91. C'est beau, la quatrième âge. Hein? Ah, vous savez, c'est drôle. Il y a si longtemps que je ne m'étais pas occupé d'une cargaison comme ça. On oublie. On oublie comme ça vous réchauffe le sang dans les veines. Et sortir de nouveau un crayon comme ça, c'est comme une piqûre de la hormone. Ah, monsieur l'officier, je vais vous le remercier. Hein. Et je vais bien m'occuper de vous, je vous assure. Je peux ouvrir ça, là? Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Attendez, qu'est-ce que c'est, là? Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh! Ça, mais je crois que c'est un tapis. Non, c'est une couverture. C'est de la belle fourrure, ça. C'est des chichis, là. Oh, oui, c'est pour se couvrir les jambes pour la voiture. Oh. Tiens, mais oui, c'est vrai, mais c'est... Quand il se promenait en voiture... Bon Dieu, mais... Ça fait des années. Quand vous l'aviez un chauffeur? Oui, nous avions un chauffeur. Oh, oh! Oh, regardez ça! Oh, mon Dieu! Ça, C'est le grand monde, ça. Regardez. Ah, sûrement votre père, il était très chic. Ah, mais ça vous va rudement bien. Et avec tout ça, il a pu faire une belle faillite. Bah, pourquoi pas, bien sûr. En 5 semaines. Oh, il a jamais pu remonter la couronne. Bah non, il y a des hommes qui ne rebondissent pas, vous savez. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, alors? Bah rien. La plupart du temps, il restait assis là, sur le fauteuil, il écoutait la radio. Mais non, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait comme travail, quoi? Bah, de temps en temps, il échangeait des jetons pour de la monnaie à un bar automatique, et les derniers temps, il portait des télégrammes. Il avait eu beaucoup d'argent? Oui, environ 2 millions de dollars, je crois. Nicht mehr clair! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et bah, ma mère est morte à peu près à la même époque, et ça n'a pas arrangé les choses. Il y a des hommes qui ne rebondissent pas, c'est tout. Écoutez, moi, je peux vous la parler de la rebondissement. Ma vie, c'est une vraie partie de basket. J'ai été foutu dehors de l'Allemagne en 1932. Et puis après, en 1924, j'ai eu le grand coup de pied dans la Pologne. Et puis la panique en 1904 et en 1898. Oh, la merde. Mais alors, se coucher, là, comme ça? Oh, mais c'est différent. Lui, il y croyait. Ah, à quoi il croyait? Bon, je sais pas, au système, à toute la chose. Il pensait que c'était sa faute, je crois. Ben vous, vous arrivez ici en chantant et dansant, c'est un gag. Vous avez 150 ans, vous faites votre numéro, les gens tombent amoureux de vous et... Allez, vous partez en emportant les meubles. Ah, ça c'est pas gentil. Alors soyez là pour moi, voulez-vous? Vous n'avez plus besoin de regarder, vous savez tout ce qu'il y a ici. De quoi avez-vous peur? Allez, allez, ça vous occupera. Et vous ne croyez pas que c'est un peu une folie, non? Mais qu'est-ce qu'est une folie? Ça vous fait plaisir. Ah oh, oui, c'est vrai, ça, j'adore ça. Bon, alors, vous prenez tout le lot, vous calculez trop, vous finirez avec rien. Écoutez, monsieur l'officier, je voudrais vous dire quelque chose. Ces derniers temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Elle revient vers moi, ma fille. Oui. Oui, j'avais une fille, qu'elle repose en paix. Elle s'est ôté la vie. Un suicide. Quand ça? Oh, 1912, la fin de l'année. Très belle, un visage ravissant, les grands yeux. Elle était pure comme l'aube. Et ces derniers temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tous les soirs, quand je vais me coucher pour dormir, elle est assise là, près de moi, et je la vois. Clairement, comme je vous le vois. Alors, vous ne pouvez pas vous empêcher, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-être j'aurais pu lui dire quelque chose. Peut-être je lui ai dit quelque chose. Alors, tout ça. Oh, c'est pas que je vais mourir, vous n'avez rien à craindre, mais je vais vous le dire la vérité. Il y a une minute, je vous l'ai dit que j'avais eu 3 femmes. Bon. Alors, juste maintenant, je viens de me la rappeler, j'en ai eu 4. C'est pas la terrible, ça? Oui. La première fois que je me le suis marié, j'avais 19 ans. C'était en Lituanie, là-bas. Bon, alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible de savoir ce qui est important. Je suis là, assis près de vous. Hein. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Toute ma vie... Je me suis battu terriblement, j'ai lutté, j'ai fait la guerre dans 5-6 pays différents, je me suis presque fait tuer 2-3 fois, oui. Et maintenant, voilà, je suis à discuter là avec vous pour les meubles. Je vous dis, je ne suis pas là, c'est un rêve, je ne suis pas là. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer... Mais si, je comprends très bien. Ah, qu'est-ce que vous comprenez? Oh, c'est pas une question d'âge. Hein. Je crois que c'est ce que vous voulez dire, enfin. Impossible de savoir ce qui va arriver, parce qu'on est obligé d'agir avant de savoir de quoi il retourne seulement. On ne peut pas échapper aux conséquences. Ah, pourquoi vous l'êtes en bonne santé? Vous l'avez si gentil. Votre femme, ça va, votre... Ah oui, ça c'est une femme épatante, c'est le meilleur coup de chance que j'ai eu de ma vie. Ah. Seulement maintenant, elle veut du fric. Je ne peux pas l'en blâmer. Non, c'est comme nos voisins à la maison, des têtes de lard. Ils savent à peine écrire leur nom. Eh bien, l'autre jour, ils sont venus frapper à la porte pour nous proposer leur vieux réfrigérateur. Oui, ils en achètent un neuf tous les 2 ans. Ils savent où j'en suis, vous voyez. Et ça, alors, c'est de l'amitié vicieuse, juste pour nous faire sentir qui est au-dessus de l'autre. Et des choses comme ça, ma femme, ben, ça la mine. Oh, ben, qu'est-ce qu'il voudrait, le préfet de police? Un agent honnête comme vous, c'est un... Ouais, c'est un couillon. J'ai mis 14 ans à obtenir ces foutus galons parce que je voulais pas faire de la lèche. Nous étions parfaitement d'accord sur ce point d'ailleurs. Mais finalement, ben... Ah, c'est toujours la même histoire. Pour être sûr de gagner, il faut être le plus fort. Tiens, c'est comme mon frère. Nous habitions ici avec mon père il y a des années et mon frère contribuait à sa pension en donnant 5 dollars par mois. Par mois! Un médecin qui a réussi. Moi, j'avais dû quitter l'école pour empêcher lui de mourir de faim. Et pourtant, c'est là que je vais en venir. Les rares fois où mon frère venait le voir, ah, cette expression sur le visage du vieux, c'était le... Je sais pas, on aurait dit que le bon Dieu venait d'entrer. C'était le respect. Le... Je peux pas expliquer ça, vous comprenez. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, sûrement votre frère, il est très fort. Eh bien voilà, vous l'avez dit. Si on est fort, on a tout. On est même aimé. Bon, alors... Quel est le prix? Bon. Bon, alors. Alors, je vous le donnerai. 100 dollars. Comment pour. Pour le tout? Pas pour le tout. Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis décidé. Vous n'aurez jamais un prix meilleur que ça, monsieur l'officier. Si vous le voulez, je vais vous le payer tout de suite. Hein? Il faut que je partage avec mon frère. Ah bon, bon, alors je vous ferai un reçu pour 600 dollars, hein? Non, non. Ah, pourquoi il vous l'a pris de l'argent? Vous pouvez bien y en chipper un peu. Si vous voulez, je ferai 400 dollars. Ah, non, non, non, je peux pas accepter. Je vous téléphonerai demain. Alors, si je suis encore là, je vous répondrai. Hein, mais si je suis pas là, je répondrai pas. Ça y est, vous recommencez. Mais monsieur l'officier, vous me l'avez convaincu. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, moi, je vous ai convaincu. Absolument, vous m'avez convaincu. Vous l'avez bien vu, quand je suis entré, j'ai jeté un coup d'œil dessus, je voulais m'en aller déjà. Bon, allez, au diable tout ça, donnez l'argent. Ah, je vous en prie, gardez la bonne morale. Oui. Oh, au diable, la barbe. Allez, donnez. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qui vous dégoûte? Vous allez être un homme heureux maintenant. Vous allez pouvoir lui acheter un beau manteau, l'emmener en Floride peut-être. Oh, c'est ça, on sera tous heureux, tout le monde sera content. Allez, donnez. Alors, je vous le donne. 1, 100, 200, 300, 400, 500. Suivez mon conseil, achetez-lui un beau manteau et tous vos soucis sont terminés. Ça vous l'avez déjà dit, allez, donnez. Vous savez, on en parle déjà dans la Bible de l'engrenage. La minute où elle a mis la main sur la pomme, on y était tous dedans. Mais j'ai jamais lu la Bible. Alors, il y a toujours l'engrenage, vous pouvez pas y échapper. Alors, vous l'avez 4 à 5, 1, 6, alors 7, voilà 7, et puis 8, 100, 8, 8. Walter, comment vas-tu, petit? Ah ben, bon Dieu, alors, je m'attendais pas à te voir. Désolé d'être en retard. Que fais-tu? Eh bien, je viens de tout vendre. Bon. Combien? Eh bien, 1100. Bon. Mais pour le tout? Pour le tout. Je suis content de vous le connaître, monsieur le docteur. Je m'appelle Solomon, Grégory Solomon. Bon. Et que fait ton fils? Richard, n'est-ce pas? Oui. Ah ben, il est à son travail à l'Institut de technologie de New Jersey. Sans blague. Il a obtenu une bourse. Voyez-vous ça, tu es fier? Ah, je crois bien. C'est merveilleux. Ça ne te dérange pas que je sois venu, n'est-ce pas? Oh non, je t'ai appelé plusieurs fois. Oui, l'infirmière me l'a dit. À quoi s'intéresse Richard? Les sciences, enfin pour le moment. Et comment ça va chez toi? Je pense que Jeanne a très bien réussi. Mais je crois que tu ne l'as jamais vue. Non, en effet. Elle a eu un très bel article dans le Times l'automne dernier. C'est une dessinatrice remarquable. Ah, ben c'est formidable. Et tes garçons, ils vont à l'école? Souvent, oui. Au milieu de tous les mystères non résolus du monde, ils approfondissent celui de la guitare. Enfin, j'ai cessé de me faire de soucis pour eux. J'avais oublié tout ce que nous avions ici. Ah. Tiens, voilà ta radio. Je sais. Ça fait un bout de temps. Comment va Dorothée ? Très bien, je suppose. Je me fais joie de revoir Esther, elle fait toujours de la poésie. Oh non, plus depuis des années. Mais il a une très gentille femme, hein. Ah. Je l'ai vue. Ah bon ? Ma foi, c'est toujours le même bric-à-brac ici. Ah non, je ne dirais pas ça, il y a des choses pas mal. Oui, une ou deux jolies petites choses, monsieur le docteur. Nous sommes arrivés à un très bon petit accord. Tu sais, j'aurais jamais pensé que tu viendrais, alors il vaudrait peut-être mieux tout recommencer. Oh non, non, je ne veux pas gâcher l'affaire. Ah, monsieur le docteur, si vous voulez le prendre quelque chose, il vaudrait mieux le prendre tout de suite et puis pas se disputer plus tard. Hein. Qu'est-ce que vous le voulez hein? Oh, je ne veux rien du tout, non. Je suis passé dire bonjour, c'est tout. Ah bon, bon, bon. Ah tiens, j'ai trouvé tes avirons. Alors si tu les veux. Des avirons? Je devais être complètement fou. Ah, je vous en prie, monsieur le docteur, si vous le voulez, les environs. Oui, ne vous excitez pas, je n'en veux pas. Ah non, parce que pour les objets personnels comme ça, je ne fais pas l'objection. C'est très généreux de votre part. Oui. Qu'est-ce que tu gardes? Oh, rien, rien, sans doute. Esther voudra peut-être un vase ou quelque chose de ce genre. Oh, ça ne l'intéresse pas, voyez-vous. C'est une personne moderne, qu'est-ce qu'il voulait faire? Je ne crois pas l'art. Bah, tu sais, personne n'en joue ici, hein. Si tu la veux, tu la prends. Excusez-moi, monsieur le docteur, mais pour la harpe, là, c'est une autre histoire. Ça vous est égal que je fasse une objection, n'est-ce pas? Ah, je vous l'en prie, je vous l'en prie. Alors pourquoi intervenir? Ne vous énervez pas. Nous ne faisons que parler. Oh, bah, oui, comme vous le dites, il ne faut pas se nerver. Plutôt dommage. C'était le cadeau de mariage de grand-père. Tu sais? Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié. Combien lui en donnez-vous? Oh, je fais pas le détail, un prix pour le tout. La table de l'harmonie, il est craqué, vous savez. Tu l'as vu? Ah non, ça, monsieur le docteur, je n'essaye pas de vous le rouler. Hein. Mais la harpe, là, c'est le cœur et l'âme de toute l'affaire. Non, je comprends bien que c'était la harpe de la madame votre mère, mais comme je l'ai dit à monsieur l'officier, avec les meubles de l'occasion, il faut pas pleurer. Hein. Je ne parle pas de ma mère. Au fait, je me demande s'il y a encore ici quelques robes du soir du moment. Mais à vrai dire, j'ai pas tout vérifié. Alors, ça pour ça, je peux vous l'aider peut-être. Elle en avait d'impressionnantes. Oui, c'est ça que vous le voulez dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, n'est-ce pas superbe? Dis donc, je crois qu'elle portait cette robe à mon mariage. Mais bien sûr, tu te rappelles. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Tu regardes-moi celle-ci. Elle n'est pas sensationnelle. Jeanne pourrait peut-être se faire une robe neuve avec ce tissu. J'aimerais bien qu'elle porte quelque chose qui appartenait à ma mère. Ah tiens, oui, oui, c'est une très bonne idée. Ah, mais je vous en prie, monsieur le docteur, prenez-les, hein. Elles sont superbes. Je vous les donne. Hein? Non, je vous les donne. Qu'est devenu le piano? Oh, ben, nous l'avons vendu quand j'étais encore à l'école et on a vécu dessus pas mal de temps. Je ne l'ai jamais su. Ah bien sûr. L'argenterie aussi. Mais naturellement, c'est stupide, j'aurais dû m'en souvenir. Je suppose que tu le sais. Tu es devenu tout à fait comme papa. Moi, vraiment? C'est frappant. Et ta voix ressemble à la sienne. Oui, je sais, je m'en rends compte quelquefois. Dans quel genre de science Richard veut-il se lancer? La chimie. Enfin, pour le moment. Et tes enfants? Je le vois très rarement, Vic. Je n'en sais vraiment rien. Il semble qu'ils tâtent d'une chose et d'une autre, et j'en suis fier, bien sûr. Ils ont beaucoup de crocs. Mais je suppose que Richard se mêle aussi à ces mouvements politiques, non? Oh non, non, non. Vraiment? Je croyais qu'il sera en plein dedans. Comme toi. Oh non, je ne l'y encourage pas. À quoi ça mène-t-il? Un tas de petits délinquants dans la classe moyenne qui, dans 5 ans, regretteront de ne pas avoir appris leur leçon du soir. Non, de toute façon, c'est pas les gosses qui vont changer quoi que ce soit. Qui le fera? Si eux ne le font pas. Que les gens aient faim de nouveau, ils changeront tout. Les gens gras ne réagissent pas comme les maigres, c'est le ventre qui pense, n'est-ce pas? Tu as beaucoup changé, il me semble. Bon, on pourrait peut-être régler tout ça maintenant. Oui, ben allez-y. Ah bon, oui, alors monsieur l'officier, vous en avez 7, hein? Alors, merveilleux de te voir en si bonne forme. Ah, toi aussi, t'as bonne mine. Oui, ben, je fais beaucoup de ski et du cheval presque tous les matins. Tu sais, j'ai failli taper une douzaine de fois cette année. Oui, finis ces enjeux. Je te parlerai plus tard. Alors, vous avez 7, alors j'ai... Et ce prix, te convient? Je ne veux pas m'en mêler, moi. J'ai dû en passer par là, moi aussi, quand j'ai eu affaire à ces types-là. Au moment où je me suis séparé de Dorothée l'année dernière. Et je trouvais ça... Mais t'es divorcé, si je comprends bien. Oui. Walter! Comment allez-vous, Esther? Mais que faites-vous ici? Vous avez à peine changé. Oh! Allons. Tu as de la chance. Hein. Oui, je sais. Mais c'est vrai, je vous jure, vous êtes super. Ah, c'est la robe, hein. C'est une très jolie robe, je vous l'avais dit, ça. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, mais t'as l'air tellement surprise que... Si j'ai pas l'habitude d'entendre tant de compliments. Et si j'avais su ce matin que je vous rencontrerais, je vous aurais apporté de ravissants bracelets indiens. J'en ai toute une boîte. Ils viennent de Bombay. Oui, j'ai opéré un type important qui est dans les textiles et il ne cesse de me faire des cadeaux. Bon, n'est-ce pas? Deux calculs biliaires. Et comment va Dorothée? Si j'ai bien entendu... Oui, nous avons divorcé, l'hiver dernier. Je suis désolée. Ça vaut beaucoup mieux pour tous les deux. Oh, assez menteur. Nous sommes presque amis maintenant, oh, non, c'est vrai. Moi, je suis pour la femme, alors n'essayez pas de m'en compter. Alors, tout est réglé? À peu près, oui. J'étais juste en train de dire à Victor, quand nous avons fait le partage avec Dorothée... Salomon, avez-vous jamais entendu parler de Spitzer et Fox? Oh, 30 ans que je les connais, Spitzer et Fox. Bert Fox, il a travaillé pour moi 10-12 ans. Ils ont fait mon estimation. Ah, bon, c'est les très bons garçons. Spitzer, il est un peu moins bon que Fox. Mais entre les deux, vous l'êtes dans les bons mains. Ah oui, bon, ça. Oui. Ah, oui. Spitzer, il est vice-président de l'association des commissaires priseurs. Ah, je vois. Et puis alors, moi, je suis le président. Vraiment? Ah, bon, je lui ai mis un peu de la moralité là-dedans. Ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est si drôle? Écoutez, avant moi, c'était comme une vraie jungle. Vous l'auriez pas tant ri, hein? C'est moi que je lui ai introduit les barèmes. Les barèmes, c'est ce que vous devez nous le payer à nous. Oh, j'en ai fait une vraie profession, comme les médecins, les avocats, les professeurs, tout. Avant, c'était comme la fosse au serpent. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre. Tous les membres, ils sont honnêtes, 100%. Eh bien, ce fut une belle initiative, monsieur Salomon. Oui. Mais je crois que vous pourriez faire un petit effort pour ce mobilier. Combien a-t-il offert? Et 1100. Oh! Il me semble que c'est très peu, n'est-ce pas? Allons, Salomon. Il risque sa vie pour vous tous les jours. Soyez généreux. Ah, ça, c'est un vrai frère. Il est formidable. Mais écoutez, vous pouvez appeler qui vous le voulez. Spitzer et Fox, Maurice Weid, Paul Cavallo, Joe Brady. Je les connais tous. Je sais ce qu'ils vous le diront. Alors, non, mais écoutez-les, lui. Il va vous les dire. Bon, très bien. Bon, mais tu sais, justement, ce qu'il m'expliquait... Non, mais je voulais vous dire justement que... Mais ça va. Bon, ben ouais, taisez-vous une seconde, voulez-vous? Je ne dis pas que ça soit vrai, mais il estime qu'il y a beaucoup de meubles trop grands pour être utilisés dans les appartements modernes. Et tu y as cru? Je ne sais pas, Esther, mais Spitzer et Fox ont dit la même chose. Oh, voyons, Walter, la ville est pleine de vieux appartements très vastes. Mais mon chéri, il faut laisser ça aux deux garçons. J'aimerais bien que vous ne me donniez pas d'or, monsieur Salomon. Enfin, voyons, ce secrétaire vaut seul 200 dollars. Peut-être devrais-je éviter d'intervenir. Mais pourquoi? Enfin, ne vous laissez pas avoir. Mais mon chéri, vous parlez sans avoir aucun élément. Je n'aime pas du tout cette façon de faire, monsieur Salomon. Pas du tout. Cet argent est très important pour nous, Walter. Oui, je regrette, Esther. Eh bien, si c'était à moi... Mais c'est à vous, autant qu'à Victor. Ah non, ma chère, je n'en prendrai pas un cent. Oh. Non, mais si, tu auras ta part, Walter. Mais je ne songe pas, mon petit. Je suis passé vous dire bonjour, c'est tout. Oh, ça c'est formidable, Walter, voilà. Vraiment. On en parlera plus tard. Non, écoute, cet argent est à toi, tu l'as gagné, Victor. Mais pourquoi l'aurais-je gagné? Non, tu prendras ta part. On pourra en discuter plus tard. Moi, à mon avis, je... Mais alors, vous l'avez même plié à partager, maintenant, hein? Oh, ça, c'est ce qu'on appelle des vrais frères, hein? Ça n'existait plus. Vous avez la chance qu'ils vont démolir la baraque. Vous voilà réunis, finalement. Moi, à mon avis, j'aurais dit un minimum de 3000 dollars. Exactement ce que je pensais. J'allais même dire 3500 dollars. À peu près. Oui, alors, qu'en pensez-vous? C'est ridicule. Alors, bah, pourquoi 3000 dollars? Alors, pourquoi pas 5000 dollars? Alors, pourquoi pas la dette dollars? Tu aurais dû faire une ou deux autres estimations, Victor. Je t'ai appelé toute la semaine au téléphone justement pour ça, Walter. Tu n'es jamais venu. En quoi ça t'empêchait-il? Je pensais ne pas avoir le droit de le faire seul. J'avais laissé des messages. Écoute, j'étais terriblement occupé et je n'avais pas l'intention de prendre quoi que ce soit. Enfin, comment pouvais-je le savoir? Oui, bien sûr. Je te demande pardon. Mais monsieur le docteur, je ne vous la comprends pas. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous l'avez dit que c'était la brique à la braque. Oh, voyons, personne n'a jamais dit que c'était la brique à la braque. Ah, mon chéri, monsieur le docteur, il a dit la braque, il a brique à la braque. Prenez... Une minute, s'il vous plaît. Non, non, non, écoutez, écoutez, alors ça, c'est un homme objectif, hein. Alors, soyons objectifs. Hein? C'était une drôle de façon de parler. Mais je n'ai pas voulu le dire dans ce sens-là. Ah, monsieur le docteur, vous l'avez dit, la brique à la braque. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais le dire, monsieur Salomon. Enfin, quand on a été élevé au milieu de certaines choses, on a tendance à en être dégoûté. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, si tout ça, ça l'était du Louis XVI ou du Biedermeier ou quelque chose dans ce genre-là, vous n'en seriez pas dégoûté. Eh bien, il se trouve que justement, il y a là un mode dans le style Biedermeier. Le style Biedermeier. Alors, mon chapeau, c'est le style Borsalino. Mais c'est pas un Borsalino. Non, non, non, il ne faut pas me faire payer davantage pour m'impressionner. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Écoutez, monsieur Salomon, voulez-vous bien aller quelques minutes dans la chambre à coucher afin que nous puissions bavarder. Non, mais en fait, tu te fondes sur quoi, toi, chérie, pour accepter 1100 dollars? Je ne sais pas, j'ai senti que c'était plus ou moins exact. Voilà, ça recommence. Mais très bien, jette tout par la fenêtre. Mais mon chéri, cet homme-là, il n'est pas un imbécile, il jette rien par la fenêtre. Monsieur le docteur, c'est pas juste de lui faire ça, lui. Vous allez m'apprendre ce qui est juste maintenant. Non, vraiment, je vous assure. Non, écoutez, allez donc à côté, monsieur Salomon. Mais monsieur l'officier, vous l'avez fait une très jolie affaire, alors vous n'avez pas la raison de pleurer. Il est fantastique. Et allez donc à côté. Oui, je veux bien. Mais je vous le demande de vous la rappeler. Hein. C'est que si je l'étais un autre homme, je dirais qu'il a l'argent dans la main et que l'affaire, il est conclue. Non, il ne peut conclure aucune affaire sans moi, Salomon. Je suis à moitié propriétaire ici. Ah, qu'est-ce que c'est que je lui ai demandé quand je suis entré d'abord? Qu'est-ce que c'est les propriétaires? Mais vous embrouillez tout, je ne réclame rien, je veux simplement... Alors pourquoi vous vous le mêlez? Je la connais la loi, il a l'argent dans la main. Ne faites pas l'imbécile, hein. J'ai les meilleurs avocats de New York, alors allez vous asseoir. Non mais calme-toi Walter, n'insiste pas. Mais pourquoi? Il a parfaitement raison. Bon, tenez, allez, reprenez votre argent. Ah non, non, gardez-la, il est là, votre. Vous ne vous sentez pas bien? Non, laissez-moi vous examiner. Je suis un peu fatigué parce que je n'ai pas fait la sieste aujourd'hui. Ah, venez vous étendre là-bas. Monsieur le docteur, s'il vous plaît, dans ma serviette, il y a un bâton de le chocolat. Ça me remonte, s'il vous plaît. Merci bien. Là, dans la serviette. Non, je suis en très bonne santé. Hein. Seulement la sieste, il faut que je la fasse. Voilà. Non, non, pas l'orange, s'il vous plaît. La chocolat, c'est dans le... C'est ça, voilà, là. Ah. Merci. Ça. Venez vous étendre là-bas, venez doucement. Ça, hein. C'est un bon docteur. Hein. Pourquoi cherches-tu des excuses? À quel propos? De ce vieux bonhomme, c'était sa première offre. Mais sur quoi te bases-tu pour dire que c'est Walter qui a raison? Incontestablement, oui. Il a dit un chiffre au hasard. Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec lui. As-tu essayé de lui faire monter le prix? J'ai jamais su marchander, je vais pas m'y mettre maintenant. Ah, comme j'aimerais que tu ne planes pas toujours au-dessus de tout, Victor. Nous n'avons plus 20 ans et nous avons besoin de cet argent. Tu m'entends? J'ai conclu une affaire, c'est fini. Enfin, tu sais, tu prends quelquefois un ton comme si j'étais une espèce d'incapable. Enfin, en mettant les choses au pire, tu auras tout l'argent, mais... Oh, mon Dieu. Dieu, que Walter a changé. On dirait. C'est étonnant. Il est si humain, il rit. Je l'ai vu rire. Tu ne veux pas dire que... Je vais y réfléchir. Tu ne prends pas sa part? J'ai dit que je voulais y réfléchir. Où vas-tu? Je veux savoir. Prendras-tu ou ne prendras-tu pas sa part? Mais enfin, Esther, je l'ai appelé toute la semaine. Il prend même pas la peine de venir au téléphone. Il arrive ici, il sourit. Et moi, je veux lui tomber dans les bras. Enfin, il fait exactement ce que tu pensais qu'il devrait faire. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enfin, je ne peux pas retourner ma veste à cette allure, ma petite. Il était là depuis 10 minutes. Mais moi, il y a 19 ans que j'ai ça sur l'estomac. Alors maintenant, assieds-toi là. Mais je t'en prie, assieds-toi. Tu peux bien attendre 5 minutes pour aller boire, non? Oh, puis tout nous échappe. Enfin, la moitié de 1100 dollars, cela fait 550, ma chérie. Mais je ne parle pas d'argent, mais pourquoi ne peux-tu pas t'ouvrir un peu? Mais qu'est-ce qui se croit, le Père Noël? Oh Dieu, ma mère avait raison. Jamais je n'arrive à croire ce que je vois. Mais je vais m'y mettre. Alors là, c'est vraiment tout ce que je vais faire, ce que je vois. Bon, essuie ta joue, tu veux. Hein? Comment va-t-il? Je crois que ce ne sera rien. Mon Dieu, quel pirate! Il a 80 ans. Oh, c'est pas vrai. Mais si, il m'a montré sa carte. Il te l'a montré, toi aussi? Oui, la marine britannique. Lui, il a été dans la marine britannique? Non, il a sa carte de réforme. Enfin, il ment pas tout le temps. Oh, j'en suis pas si sûr. Un type de cet âge se conduisant avec autant d'énergie, il y a vraiment là quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, assez, oui. Mais que devrions-nous faire à votre avis, Walter? Il y a moyen d'en tirer bien davantage. Tu ne vois pas ce que je veux dire? Ah ben tu sais, hein, moi je suis pas marié avec ce type. Hein. Si tu veux appeler un autre marchand, qu'il vienne, on pourra... Inutile, inutile. C'est un commissaire priseur patenté. Mais au lieu de vendre, tu pourras en faire don à une œuvre de bienfaisance. Je comprends pas. C'est très simple. Il l'évalue, disons, 25 000 dollars. Oh, vous plaisantez! On fait ça tout le temps. C'est une tricherie, mais c'est légal. Il évalue le lot au plus haut prix qui pourrait être un chiffre de ce genre, puis je fais don des meubles à l'armée du salut. Mais il faudrait que je prenne la chose à mon nom, voyez-vous, parce que le taux de mes impôts est beaucoup plus élevé que le vôtre, je paie 50% de taxes. Donc, si je fais une estimation de 25 000, j'en rattrape environ 12 000 sur mes impôts, et nous pourrions nous les partager moitié-moitié. Je vous donnerai 6 000 dollars. Non, c'est vraiment la seule chose raisonnable. Mais est-ce que cela vous coûterait quelque chose? Alors, au contraire, c'est de l'argent gagné pour moi. Et j'en parlais à l'instant à Salomon. Qu'est-ce qu'il en dit? C'est à toi de décider. On lui paierait ses honoraires pour l'estimation, 50, 60 dollars. Il est d'accord? Ah, évidemment, il préfère acheter le tout. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas lui qui décide, n'est-ce pas? Je vais y réfléchir. Personnellement, je me tracasserais pas pour ça. Il gagnerait 50 dollars pour remplir un bout de papier. Ah oui, c'est pas mal en un après-midi. Ah non, j'avais conclu un accord avec lui, mais je vais y réfléchir. Oui, oui, bah, on n'a pas beaucoup de temps, Vic, surtout si tu veux régler l'affaire avec lui. Non, j'ai seulement besoin de quelques minutes. Alors, bien sûr, laissez-le réfléchir. Mais en fait, c'est tout à fait légal, hein, si c'est ça qui te tracasse. Moi, j'ai failli en faire autant avec mes affaires, mais j'ai finalement décidé de tout garder. En fait, mon appartement est tellement encombré qu'elle ressemble un peu à celui-ci. Peut-être que vous vous remarierez. Oh, j'en doute fort, Esther. J'ai souvent l'impression que je n'aurais jamais dû me marier. Pourquoi? Bon, sérieusement, je suis dans un drôle d'engrenage, vous savez. Il y a trop de choses à apprendre et trop peu de temps pour les apprendre. Il faut savoir y mettre le prix. Il ne me reste plus de temps pour les autres et c'est ce qu'une femme ne peut pas admettre. Enfin, si c'est vraiment une femme. Mais je me débrouille très bien tout seul. Mais comment pourrais-je inscrire une telle somme sur ma déclaration de revenus? M'appelle ça un cadeau? Bah, c'est pas le cas. Enfin, tu peux l'inscrire sous ce nom, c'est permis. Non, j'étais simplement curieux de savoir comment. Fais-le enregistrer comme cadeau, il n'y a pas de problème. Tu fais toujours de l'escrime? Oh non, il faut faire partie d'un club pour ça, et puis je travaille souvent pendant les week-ends. Non, j'ai trouvé ça comme ça par là. Là. Maman aimait le regarder faire. Vraiment? Bien sûr, elle assistait à tous ses combats. Oh, mais tu ne m'avais jamais dit ça. Non, c'est qu'elle était rudement fort aussi. J'ai encore les marques. Surtout avec ses crispins français. Mais bon Dieu, mais... Ah, mais je me demande où... Attends! D'habitude, ils étaient dans ce tiroir. Des crispins français? Oui, elle lui avait rapporté de Paris, ils étaient magnifiques. Il avait l'air d'un mousquetaire. Tiens, les voilà! Ah, regardez-moi ça, non mais... Croyez-vous? Ah. Oh, ils sont superbes. Ah, bon Dieu, je les avais complètement oubliés. Noël 1929. Ah, mais regarde-moi ça, ils sont encore souples. Mais comment tu fais pour te rappeler tout ça? Il y en a deux, trois. Pourquoi? Tu ne te rappelles pas, toi? Ben, il ne se souvient plus très bien de votre mère. Si, je m'en souviens. C'est étonnant. Dans son visage, en fait, je n'arrive jamais à la revoir. Elle l'adorait. Vraiment? Victor? S'il se mettait à pleuvoir, elle se précipitait à l'école pour lui porter ses caoutchoucs. Son Victor, mon Dieu, quand il a su compter jusqu'à 10, pour elle, il était déjà Einstein. C'est étrange comme l'art. Je peux presque entendre la musique, mais je ne peux jamais voir son visage. Messieurs les docteurs, excusez-moi. Qu'y a-t-il? Je voudrais... Quel est le problème? Non, mais juste une petite minute. Bonjour. Pourquoi ne peux-tu le prendre comme il est? Tu ne peux pas espérer qu'il te fasse des excuses. Et sans doute, il voit tout différemment. Oui, je sais que c'est difficile. Mais il essaye de faire un geste, je crois. Oui, je le crois, en effet. Oh, tu sais ce qui serait bien? Si on pouvait prendre quelques semaines de vacances et partir, par exemple, dans un coin retiré, juste pour changer un peu d'air et voir ce que font les gens. Tu as été entouré si longtemps de gens si mesquins et si insignifiants. Nous sommes devenus trop méfiants pour tout. Drôle de garçon. Pourquoi? Eh bien, d'entrer ici comme ça, comme si jamais rien n'était arrivé. Pourquoi pas? Oui, tu trouves que je devrais simplement prendre l'argent et me taire. Hein? Tu ne peux pas supporter l'idée que c'est un chic type. Ah, je regrette, mais il faut que je le dise. Si c'est pas ça, il faut que tu m'expliques. Enfin, tu peux pas continuer à tout faire retomber sur lui, ou sur le système, ou sur Dieu sait quoi. Tu es libre et tu es incapable de faire quoi que ce soit, mais c'est ça qui me rend folle. Ah, maintenant, prends cet argent ou je suis foutue. Ah ça, si tu veux rester dans le pétrin, ça ne veut pas dire que je dois en faire autant. Maintenant, c'est fini, tu m'entends, c'est fini. Eh bien, mes enfants, c'est un tigre qu'on a là-dedans. Il essaie encore d'acheter le tout. Il parle comme si tu avais prolongé sa vie de 5 ans en l'appelant ici. Mais qu'est-ce que ça veut me faire? Tout ça m'est complètement égal. Bon. C'est parfait. C'est très bien. Nous ne nous comprenons pas, n'est-ce pas? Je suis un peu perplexe, Walter. Et pourquoi ça? Allons, dis-le, on doit tous mourir un jour. Bon, ben, je vais te donner un exemple. Quand je t'ai appelé lundi, mardi, et ce matin encore... Je t'expliquais. Mais je ne donne pas de coup de téléphone pour tuer le temps. Ton infirmière avait l'air de dire, tiens, voilà encore l'emmerdeur, et c'était humiliant. Je suis désolé, il n'en est pas dû. Mais je sais, Walter, mais je ne peux pas imaginer qu'elle prenne d'elle-même ce ton. Aussi, aussi. Et souvent comme ça. Crois-moi, je t'en prie, je regrette énormément, Je suis surchargé de travail, voilà tout. Bon, bah, tu m'as posé une question. Je te réponds. Oui, bien sûr, mais ne va pas t'imaginer je ne sais quoi. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire d'impôt, il serait prêt à faire une estimation de 25 000. Si tu veux, je serais tout à fait d'accord que tu gardes entièrement la somme que j'économiserai. 12 000 dollars? La somme tout entière, quelle qu'elle soit. J'en ai pas besoin, Vic, c'est tout. À vrai dire, j'étais sur le point de t'appeler plusieurs fois. Pourquoi faire? Ne te monte pas la tête. Non, j'essaie de tirer tout ça au clair, Walter. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai simplement pensé que le moment de nous retrouver, de nous connaître, était venu, voilà tout. Bah, tu sais, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois au sujet de ces meubles il y a environ 3 ans. J'étais malade. Mais j'avais laissé de nombreux messages. J'étais très malade. On m'a hospitalisé. Dépression nerveuse. Je ne savais pas. D'ailleurs, je commence tout juste à me remettre. J'étais en congé pendant près de 3 ans. J'en suis presque content maintenant. Jamais je n'étais plus heureux. Vous semblez en effet très différent de ce que vous étiez. Je le crois en effet, Esther. Je vis de façon différente. Je pense de façon différente. J'habite maintenant un petit appartement et je me suis débarrassé des maisons de repos. Maisons de repos? Oh. J'étais propriétaire de 3 maisons de repos. Il y a beaucoup d'argent à tirer des vieux, tu sais, ceux dont les enfants veulent se débarrasser à tout prix. Très bon business. Mais je n'en veux plus. Je passe maintenant la moitié de mon temps dans les hôpitaux de Brooklyn et croyez-moi, je revis parce que pour la première fois, je fais de la médecine. De temps en temps, je me sucre avec les riches, mais enfin, juste assez pour vivre. Eh bien, ça doit être formidable. Il y a tant de choses que je voudrais te dire. Je n'avais jamais eu d'amis, tu le sais. Eh bien, maintenant, j'en ai. On commence par vouloir être le premier partout avec une sorte de fanatisme. Il y a tant à apprendre et si peu de temps pour l'apprendre. On finit par éliminer tout ce qui se met en travers, même les gens. Puis on réalise qu'on ne s'est pas seulement spécialisé dans quelque chose, mais que quelque chose s'est spécialisé en nous. On devient une espèce d'instrument. Un instrument qui arrache l'argent aux gens et la renommée au monde. On en vient à penser que sous prétexte qu'on peut effrayer les gens, ils vous aiment. Et même qu'on les aime. Et tout revient à une question de peur. Un soir, je me suis retrouvé au milieu du salon, ivre mort. Un couteau à la main, prête à tuer ma femme. Mon Dieu. Ah oui. Et je l'ai presque fait, d'ailleurs. Mais il y a un avantage à devenir fou, à condition de survivre, bien sûr. On arrive à prendre conscience de sa peur. Oh, pas celle qui fait hurler, mais cette petite peur lente et quotidienne qu'on nomme ambition, prudence, compte en banque. Et ce que je voulais te dire depuis quelque temps déjà, c'est que tu m'as aidé à comprendre cela en moi-même. Moi? Oui. Oui, grâce à ce que tu as fait. C'était toi qui étudiais le mieux. Que tu sois contenté de faire ce métier pendant toutes ces années m'a semblé... Tu vois, il ne m'était jamais venu à l'esprit jusqu'à ce que je tombe malade, que tu avais fait un choix. Un choix? Tu as voulu une vraie vie. Et c'est une chose qui coûte cher. Qui coûte? Oui. Je sais que j'ai peut-être l'air terriblement naïf, mais je n'ai pas encore pris l'habitude de parler de choses essentielles. Franchement, si je n'ai pas répondu à tes coups de téléphone cette semaine, c'est que j'avais peur. J'ai lutté si longtemps pour me faire une idée de moi-même. Et je n'en suis pas sûr qu'elle soit acceptable pour toi. J'aimerais bien pourtant. J'en étais arrivé au point où je haïssais mon propre travail. Il y a des moments, tu le sais bien, où un malade peut vivre 1 ou 2 ans si on le laisse tranquille, mais si on intervient, on peut le tuer. Et la décision est souvent, enfin pas entièrement, mais presque arbitraire. J'ai buté sur toute une série d'opérations. Cela peut arriver, mais cela ne m'était jamais arrivé à moi, enfin, pas en série. Et elles avaient toutes une chose en commun. Les malades avaient tous été diagnostiqués inopérables par d'autres médecins avant moi. Nous autres médecins, nous sommes les seuls à avoir licence de tuer par erreur. Et on aime bien croire que c'est une erreur. Il vaut mieux le croire. Et tout à coup, la perspective de mes vrais mobiles s'est éclairée. Pourquoi ai-je pris des risques que des hommes très compétents avaient refusé de prendre? Et la réponse qui vient tout de suite, bien sûr, c'est la tentation de s'attaquer à l'impossible, s'amuser à la compétition. Cela peut donner des résultats extraordinaires à condition de ne pas voir ce qu'il y a sous ce désir de la compétition. Et moi, je l'avais vu. C'était la terreur. Et en plein milieu d'une opération contrôlant mon cerveau, mes mains, mon ambition. La terreur de quoi? Que cela ne m'arrive un jour. Comme ça lui est arrivé à papa. Se retrouve en une nuit et sans raison, déchu et abandonné. Tu sais ce dont je parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas pour ça que tu as tourné le doigt, toi? Oui, peut-être, enfin. En partie, toutefois. Que j'ai fait la même chose. Pas aussi nettement, voilà tout. Je croyais que je voulais être le premier partout et j'ai fini dans un marais de succès, de carnet de chèques en prenant des risques pour prouver encore et encore quelques supériorités insensées. La différence, c'est que tu n'as fait de mal à personne pour te défendre. Et j'ai appris à respecter cela, Vic. Tu as simplement essayé de te rendre utile. C'est merveilleux, Walter, d'arriver à vous comprendre aussi bien. Tu vois, c'est une chose étrange. Pendant que j'étais malade, j'ai commencé pour la première fois depuis que nous étions enfants à me sentir comme un frère. Et j'ai l'impression que je saurais maintenant être ton ami. J'en suis heureux, Walter. Tu vois, c'est pourquoi tu es encore marié et pourquoi ton garçon est en si bonne forme. Tu as vécu une vraie vie. D'ailleurs, Esther, vous le savez mieux que moi. Peut-être, oui. N'en doutez pas, ma chère, croyez-moi, vous avez de la chance. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je crois. Et enfin, ce n'est peut-être pas tout à fait aussi simple que vous le dites, Walter. Écoutez, j'ai une idée qui vous paraîtra sans doute absurde, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez avant de la rejeter. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore décidé ce que vous alliez faire maintenant. Tu quittes la police? Non, je prendrai une décision de ces jours, je réfléchis encore. Puis-je faire une suggestion? Mais bien sûr, vas-y. À l'hôpital, nous sommes en train de chercher quelqu'un pour le nouveau service. Une sorte de liaison entre les savants et la direction. J'ai pensé plusieurs fois que tu ferais très bien l'affaire. Et qu'est-ce que je pourrais faire à ce poste? C'est encore très vague pour le moment, mais il y a place pour des personnes qui auraient un certain nombre de connaissances. Mais enfin, j'ai aucun diplôme. Tu as fait de la chimie analytique, beaucoup de maths et de physique. Si tu croyais en avoir besoin, tu pourrais prendre les cours du soir. Mais je crois que ta formation est suffisante. Qu'est-ce que tu en penses? Ben bien sûr, j'aimerais en savoir davantage, seulement... Oh, ce serait merveilleux s'il pouvait travailler dans le domaine scientifique. C'est vraiment la seule chose qu'il ait jamais souhaité. Oui, je sais. C'est dommage qu'il n'ait pas continué. Ce serait très simple, Vic. Je suis président du comité. Je pourrais tout arranger. Je vous demande pardon de vous la déranger, mais il fait tout noir là-dedans, alors je n'y vois plus la goutte. Alors, si vous voulez, je vais prendre une petite bougie. J'y vais, il y en a là, alors, pour éclairer un peu. Voilà, il y a la petite allumette aussi, pardon. Oh, à propos, la harpe, là. Alors, je veux bien donner $50 de plus. Ah, si vous me le faites une vente de la main à la main. Vous devenez plus compréhensif. Ah, monsieur le docteur, je suis un homme honnête. Voilà. Oh, vous savez, ça va me ruiner. Ça va me le coûter une fortune. Parce qu'il faut que je fasse un dada d'orir partout encore, que je vais remettre les cordes. Il faut au moins 4-5 hommes pour emmener ça en bas. Mais comme ça, vous n'aurez plus à vous faire de soucis pour l'estimation, les histoires de l'impôt, tout ça. Ça va? Bon. Alors, ne vous les dérangez pas. Je peux aller. Je suis à votre service. Maintenant, je vais travailler, j'ai la petite bijou, pardon. Mais où l'as-tu pêché? Non, c'est formidable. Il met de la moralité dans tout. Qu'en dis-tu? Tu passerais voir ce qu'il en est? Mais je ne suis pas très sûr de savoir où tu veux en venir, Walter. Oh, ben, ce n'est pas très juste, il me semble. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Il s'agit tout de même de prendre un drôle de virage, non? C'est pas que je n'apprécie pas, Walter. Mais certaines choses sont arrivées, n'est-ce pas? Je pensais qu'on pourrait faire un premier pas ensemble, voilà tout. C'est très compliqué entre nous, je crois. Et moi, je pensais que... Mais oui, je sais, Walter, seulement... Tout ça est un peu troublant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu trouves troublant? Tu dois bien avoir une idée, non? Tu m'étonnes un peu, Victor. Après tant d'années, tu ne peux pas espérer tout régler en une conversation, n'est-ce pas? Non, moi j'avais simplement pensé qu'avec un peu de bonne volonté, nous... Oh, et puis obtiens ce que tu pourras avec les meubles, je ne veux rien prendre. Non, je regrette, Esther, cela m'a fait plaisir de vous voir. Peut-être te reverrai-je, Victor. Bonne chance, je ferai prendre ces robes demain. Mais Walter! N'accepte pas cette attitude. Ça me déroute, tout simplement, je ne comprends pas. Non, mais ce n'est pas une attitude, Walter. Bon, ben, tout ça me paraît un peu fantastique, quoi, c'est tout. J'ai pas ouvert un livre depuis 20 ans, comment pourrais-je entrer dans un laboratoire de recherche? Enfin, Walter, trouve que ta formation est suffisante. Oui, Esther, j'enseigne en chimie la plupart des gosses des lycées, et en physique c'est la même chose. Ah, mon Dieu, Walter, où as-tu pris une telle idée? Je suis certain que tu pourrais te faire une place. Quelle place? Porter des papiers d'un bureau à l'autre. Mais pas sérieux. Pourquoi? Tôt ou tard, le fait que ce soit ton frère ne vous rate plus grand-chose, n'est-ce pas? J'étais un flic pendant 19 ans, je ne suis pas qualifié pour ce qu'il y a du domaine technique, alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de te demander ce que cela veut dire? J'étais tout à fait franc avec toi, Victor. Je ne le crois pas. Pourquoi? Eh bien, quand tu as dit que c'était dommage que je n'ai pas continué dans les sciences. Mais c'est ce que je sens, ce que j'ai toujours senti. Il y avait un homme autrefois dans ce fauteuil, Walter, qui fixait le vide. Tu ne t'en souviens pas? Mais si, très bien. Je lui envoyais de l'argent tous les mois. Tu lui envoyais 5 dollars par mois. Mais c'est tout ce que je pouvais me permettre. Mais quel rapport a-t-il avec toi? Quel rapport? Oui, je ne vois pas. Et d'où crois-tu que venait le reste de l'argent dont il vivait? Ça, Victor, c'était ton affaire, pas la mienne. Mon affaire? Nous avons eu une longue conversation un jour dans cette pièce, Victor. Victor, nous nous étions mis tout à fait d'accord juste après que tu sois venu t'installer ici avec papa. Je t'avais dit alors que j'allais terminer mes études contre vents et marées. Et je t'avais conseillé d'en faire autant. D'ailleurs, à vrai dire, je t'avais prévenu de ne pas laisser papa étouffer ta vie. Et si je ne me trompe, je vous ai dit la même chose le jour de votre mariage, Esther. Et qui était censé le faire vivre? Et pourquoi le fallait-il? Il n'était pas malade! Il pouvait très bien aller travailler! Travailler! En 36! Sans éducation, sans argent! Et alors? Il aurait pu s'inscrire au chômage! Qu'on fait des centaines de milliers de gens en 36! Il aurait survécu, Victor! Mais bon Dieu, tu dois le savoir maintenant, n'est-ce pas? Bon, ça va, c'est inutile, tout ça, c'est toujours la même rengaine. Vic, je t'en prie! T'en prie, je n'essaie pas de le démolir. Je l'aimais moi aussi d'une certaine façon. Vic, tu devrais peut-être en parler. Mais non, c'est inutile, tout ça m'est complètement égal. Il t'a exploité! Ça aussi, ça t'est égal? Mettons une chose au point, Walter. Je ne suis la victime de personne. C'est exactement ce que je veux te dire, je n'essaie pas d'être condescendant. Mais si tu l'es! M'aurais-tu parlé de tout ça si j'avais eu de l'argent en banque? Je regrette, Walter, mais j'avais pas le choix. Le frigo était vide. Le vieil homme était assis là, la bouche ouverte. C'est pas moi qui ai commencé, Walter. Mais quand tu parles de faire un choix et que j'aurais dû continuer mes études, il faut que je te dise ceci. Le fait de vouloir que les choses aillent dans un certain sens ne les fait pas forcément aller dans ce sens. Très bien. Alors, comment vois-tu les choses? Walter est venu à toi de bonne foi, Victor. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas prendre son offre en considération. Mais j'ai dit que je voulais y réfléchir. Mais tu sais que tu es en train de refuser. Enfin, qu'a-t-il de si terrible? impossible à dire la vérité. Quelle vérité? Oh, mais pour l'amour du ciel, quoi encore? Franchement, je veux pas que vous pensiez que je veux pas la faire, l'estimation. Je la ferai, je vais la faire. Mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais nous, alors, écoutez, mais nous avons besoin de laisser nous tranquilles. C'est un agent de la police, c'est monsieur le docteur. Moi, je suis un pauvre marchand de meubles. Alors, à quoi ça sert de le mettre dans cet état? Nous avons besoin d'être seul. Je vous l'en prie, mon cher. Écoutez, monsieur le docteur, écoutez-moi. Qu'est-ce qui peut sortir de tout ça, hein? D'abord, si vous la faites dégrever les impôts, comment pouvez-vous savoir si dans 2-3 ans, ils vont pas éplucher les comptes et leur refuser la détaxation? J'ai pas besoin de vous le dire qu'on peut pas se fier à la gouvernement. Donc je comprends bien, vous voulez être gentil avec lui. Mais ça va peut-être prendre 2-3 ans avant que vous savez si le percepteur, il veut être gentil lui aussi. Non, alors ce que j'essaye de vous le dire, mes amis, c'est que vous voulez les meubles. Alors si je ne les voulais pas, je ne l'achèterais pas. Mais ça dépend pas d'eux, ça dépend de la gouvernement. Alors s'ils peuvent rien y faire, ils verraient mieux de renoncer tout de suite. Je vous l'en prie, faites comme je vous l'ai dit, je suis pas fou, hein. J'ai raison. Je crois qu'il a un peu raison. Tu feras aussi bien de tout vendre. Peut-être qu'alors nous pourrions enfin parler tranquillement. Ce n'est pas à vrai dire une atmosphère très engageante. Ah non, vous êtes vraiment fantastiques tous les deux. Nous abandonnons ce mobilier parce que personne n'est capable de dire les choses les plus simples. Ce n'est pas si facile, Esther. Ben moi, je vais vous les dire. Quand il est venu vous trouver, Walter, à propos des $500 dont il avait besoin pour obtenir son diplôme... Je t'en prie, Esther. C'est une des choses qui sont entre vous, n'est-ce pas? Alors peut-être Walter peut-il tirer ça au clair? Parce que cela l'a bouleversé, Walter. Il ne l'avouera jamais, mais il ne doutait pas un instant que vous lui prêteriez cette somme. Enfin, alors quand vous l'avez envoyé promener, il... Mais Esther, il était au début de sa carrière. Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit, mais je t'en prie, laisse-moi finir. Vous aviez déjà votre maison de campagne, n'est-ce pas? Vous étiez déjà parfaitement bien établi. Mais enfin, il estimait ne pas pouvoir. Non. Non. J'aurais pu disposer de la somme. Je vois pas l'intérêt de... Non, c'est peut-être aussi bien d'en parler maintenant. Nous n'en avons encore jamais parlé. C'était méprisable, mais laissez-moi vous expliquer. Deux ou trois jours après que tu sois venu me voir, j'ai téléphoné pour te proposer de l'argent, savais-tu? Où as-tu téléphoné? Ici. Je parlais à papa. Je m'étais rendu compte que j'avais mal agi. Non, tu n'avais pas mal agi. Enfin, en tout cas, quand j'ai téléphoné ici, il m'a dit que tu t'étais engagé dans la police. J'ai répondu qu'il ne devait pas te laisser faire ça. J'ai dit que tu avais une belle intelligence et qu'avec un peu de chance, tu pourrais faire quelque chose de bien en science. Que c'était un affreux gâchis. Et sa réponse fut... Victor veut m'aider, je ne peux pas l'en empêcher. Il ne m'a jamais dit que tu étais prêt à me donner l'argent. Vic, tu te rappelles le désarroi qu'il avait dans la voix à cette époque, avec la mort récente de maman et tout ce qui s'écroulait autour de lui? Je t'en prie, laisse-moi essayer de comprendre, Walter. Lui as-tu dit? Certaines conversations, n'est-ce pas, quand on se les rappelle, on est incapable d'expliquer pourquoi on a dit ou pas dit certaines choses. Je ne me défends pas, mais j'aimerais me faire comprendre, si possible. Vous sembliez avoir beaucoup plus besoin l'un de l'autre que moi de vous. Jamais je n'avais été capable de ressentir ce genre de foi en lui que tu avais, cette confiance. Son égoïsme sautait aux yeux. Tu n'avais jamais l'air de le remarquer. Au point que j'en arrivais à me blâmer moi-même d'un manque de sentiment. Tu comprends? Alors quand il m'a dit que tu voulais l'aider, j'ai senti qu'il serait mal de... tout cassé entre vous. J'aurais eu l'impression de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Il n'a jamais mentionné que tu avais proposé de l'argent. Tout ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que je n'ai jamais été indifférent. Voilà le point essentiel. J'ai téléphoné ici pour proposer de te prêter de l'argent. Un tout rendu impossible. Tu comprends? Je comprends. Mais vraiment? Je t'en prie, ce que tu penses. C'est absurde de continuer ainsi. Je crois que ça t'arrangeait très bien, Walter. C'est tout. Oui. Si tu croyais vraiment que papa représentait tant pour moi, pourquoi aurais-tu pensé que $500 nous séparaient? J'aurais continué à l'entretenir. Ça m'aurait permis de finir mes études, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui a un sens? Tu ne m'as pas donné l'argent parce que tu ne le voulais pas. Il n'y avait aucune obligation pour toi de m'aider. Mais quand on veut le faire, on le fait. Tu ne sens pas le besoin d'en finir avec toutes ces vieilles histoires, non? Vic, il demande ton amitié. Oui, en proposant un job et 12 000 dollars. Mais pourquoi pas? Que puisse offrir d'autre? Mais vous avez quel besoin de m'offrir quelque chose? J'ai simplement senti qu'il y avait là un travail que tu pourrais faire et qui pourrait te plaire. Mais Walter, j'ai pas les connaissances suffisantes. Voyons, mais qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas effacer 19 ans. Il y a un prix à payer, je l'ai payé, c'est réglé, liquidé. Exactement comme toi, Walter, t'as payé le prix, n'est-ce pas? Tu n'as plus de femme, tu as perdu ta famille, tu te démènes comme tu peux. Est-ce que tu peux rentrer chez toi et tout recommencer à zéro? Eh bien, voilà où nous en sommes maintenant, exactement là! Et puisque nous en sommes venus à nous expliquer, je dis qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à un homme devant sa femme. Que je dis? Nous n'avons pas besoin de ton aide, Walter. J'ai fait ce que je pensais devoir faire et j'estime l'avoir bien fait. Putain, je veux m'en aller. Non, reste ici, Esther. Il y a certaines choses que je ne peux pas laisser passer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Que tout ça était inutile, c'est ça. Alors dis-le si je me trompe. Mais pourquoi vivre seulement pour refaire encore et encore les mêmes erreurs? Je n'ai pas voulu laisser passer la chance comme je l'avais laissé passer auparavant. Et si tu veux que nous en restions là, alors c'est vraiment de détruire. Oui, comme je l'ai fait autrefois. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est bien ce que je pensais. Tu vois, Walter, quand on est flic, on apprend à écouter les gens, parce que si l'on entend de travers, il arrive qu'on finisse avec un couteau dans le dos. Autrement dit, j'ai rêvé. Ce ne sont pas mes 500 dollars qui t'ont empêché de finir tes études. Tu aurais pu laisser tomber papa et continuer. Il pouvait très bien s'en tirer. Et 12 millions de chômeurs, qu'est-ce que c'était? De l'hallucination collective. Je me suis halluciné moi-même tous les soirs pour chaparder les feuilles de laitue du restaurant grec au coin de la rue. Les bons morceaux qu'on découpait dans les légumes pourris. Je ne sais pas. Mais on se nourrissait dans les poubelles, ici, mon vieux. Quel est l'intérêt de... Oui, tu veux me faire croire que j'ai rêvé. Et il pouvait très bien s'en tirer, hein. Il pouvait. Et ce qui se passait à l'intérieur de sa tête, qu'en dis-tu? Il avait honte de descendre dans la rue. Enfin, Victor, il est mort. Mais ne me dis pas qu'il est mort. Il était là, à l'époque, non? Et la ruine de l'Amérique, c'est moi qui l'ai inventé? Non, je rêvais, tout est différent, mais maintenant. J'aurais pu le laisser de, avec tes malheureux 5 dollars par mois, mais comment oses-tu dire une chose pareille? Tu avais une responsabilité, tu vas marcher dessus. L'on ne t'en va pas. Je vais te donner ta part. Si tu pouvais surmonter ta colère, j'aimerais te dire quelque chose, Vic. Je sais que j'aurais dû te le dire depuis longtemps déjà, mais j'ai essayé, rappelle-toi, je t'ai dit. Demande de l'argent à papa. Je te l'ai dit. Il lui restait de l'argent après la banqueroute. Qu'est-ce que tu racontes? Il avait près de 4000 dollars. Quand? Quand il mangeait des légumes pourris. Comment le savais-tu? Il m'avait demandé de placer cet argent pour lui. Le placer? Oui. Et c'est pour cela que je ne lui en ai jamais envoyé davantage. Et si j'avais eu le courage de mes opinions, je ne lui aurais rien envoyé du tout. Il avait vraiment cet argent à la banque. Et Vic, c'est de cela qu'il a vécu principalement jusqu'à sa mort. Ce que nous lui donnions ne suffisait pas, tu le sais bien. Mais si, il bricolait à droite à gauche. Mais ça ne voulait rien dire ou presque, qu'il vivait de son argent, crois-moi. Je lui avais dit à cette époque que s'il te laissait terminer tes études, j'y contribuerais normalement. C'est à ce moment-là qu'il t'a fait courir d'un travail à l'autre. Pour le nourrir. Pourquoi aurais-je fait des sacrifices tant qu'il avait le grappin sur toi? Tu peux comprendre ça, non? Il était terrifié à l'idée de ne plus jamais gagner d'argent. Il n'y avait rien à faire pour le rassurer. Enfin, je sais pas, moi, il voyait bien que je le faisais vivre, non? Pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Il était persuadé que tu partirais un jour ou l'autre. Il s'attendait à le voir partir? Ma foi, oui. C'est ce qu'on pourrait dire. Mon Dieu, je le savais. Il était terrifié, ma chère. Et moi-même, Vic, je n'aurais jamais cru. Tu te rends bien compte maintenant à quel point il était excessif. De rester là, collé à lui comme ça. Est-ce que ça t'a coûté? Il s'en rend compte. On pourrait travailler ensemble. Essayons. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il avait cet argent? Je te l'ai dit, quand tu es venu me trouver pour le prêt. Non, tu m'as dit de demander à papa. Oui. Mais Est-ce que je serais venu te trouver si j'avais su qu'il avait 4 000 $? Ça servait à rien de me le dire de cette façon-là. Écoute, Victor. Mais n'insiste pas, Walter, je regrette. Tout ça est insultant, j'ai plus 5 ans. Mais voyons, bon Dieu, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Tu savais qu'il avait cet argent, tu venais souvent ici. Et vous étiez assis là à me regarder tourner en rond dans ce costume. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je ne serais pas resté là à manger des épluchures avec ça en face de moi. Même à cette époque, elle valait 500 $. Peut-être davantage. Et ton diplôme était là, tout juste là. Mais enfin, si tu veux garder tes illusions, je n'y vois pas d'inconvénient, j'en ai eu moi aussi. Des illusions? Ce ne sont que des illusions, Victor. Ton père sans le sou, ton frère Saligo, et toi leur victime. Je t'avais dit de lui demander de l'argent, parce que tu pouvais voir clairement qu'il en avait. Je ne savais pas qu'il en avait. Tu savais qu'il avait quelque chose, tu savais qu'il avait encore de l'argent. Mais non, mais pas 4 000 $. C'est suffisamment pour vivre. Non, parce que je pouvais pas le clouer au mur quand même, il disait qu'il n'avait rien. Mais tu le savais. Mais je ne sais plus ce que je savais. C'est une farce. C'est une fichue farce. C'est une sale farce. Nous coller dans une chambre meublée, lui envoyer la moitié de ta paye, même après notre mariage, remettre à plus tard pour avoir des enfants, vivre comme des rats. Et pendant tout ce temps-là, tu savais qu'il avait... Non, enfin, Victor, j'essaie de comprendre. Mais assez! Cet homme était un chien battu. Il avait honte de descendre dans la rue, je ne pouvais quand même pas lui demander son dernier billet. Chien battu, mais il avait 4 000 $. Chien battu, mais c'était un menteur et un combinard, et tu le savais dans le fond de ton cœur. Ben, c'est pas étonnant que tu aies tout raté. Tu n'as pas cru un seul mot de tout ce que tu as raconté pendant toutes ces années. Nous avons passé notre vie à mentir pour protéger un misérable combinard. Oh, je savais que rien de tout cela n'était vrai. Je le savais, je l'ai laissé faire. Et bien maintenant, je ne le peux plus. Je ne peux plus voir ça, moi. J'ai pas envie de mourir. Mais Esther. Ah non, ça me dégoûte. Tout ça me dégoûte. Oh, nous sommes en train de mourir. Écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Je suis allé simplement le trouver. Je lui ai dit. Walter m'a dit de te demander de l'argent. Alors il a ri. Et alors? Mais il a ri. Je crois qu'il ne s'est pas passé une semaine sans que je revoie la façon dont il a ri, comme si c'était une espèce de grosse blague, parce que nous mangeions vraiment, vraiment des épluchures à l'époque. Alors je suis sorti. Je suis allé au parc Bryant, derrière la bibliothèque municipale. L'herbe était couverte de monde, comme un champ de bataille, un grand asile de nuit en plein air. Pas des clochards, hein? Certains d'eux portaient encore des souliers cirés et de bons chapeaux. C'était des hommes d'affaires ruinés, des avocats, des ingénieurs que j'avais vus des centaines de fois. Mais soudain, tu sais, Esther, j'ai vu. Ah oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pitié nulle part. Un jour, on est les maîtres de la maison tout en haut de l'échelle et tout à coup, on est de la merde en une nuit. Mais comment aurait-il... pu essayer de profiter de moi puisqu'il m'aimait. Il t'aimait. Mais oui, Esther, seulement il voulait pas finir sur la paille. C'est pas qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est qu'on doit survivre. Il ne pouvait plus croire en personne désormais, ça m'était insupportable. Lui, il m'avait craché à la figure. Et ma mère, le jour où il nous a appris qu'il avait fait faillite, ma mère, tiens, c'était là, sur ce divan. Elle était en robe du soir, ses cheveux étaient tout relevés en chignon, elle avait de longues boucles d'oreilles, lui était en smoking. Il nous fit tous asseoir et il nous dit que tout était fini. Et elle vomit. Partout. Sur ses mains, ses bras, elle ne cessait de vomir comme si 35 années lui étaient remontées à la gorge. Et lui était assis là, puant comme un égout. Il était là, laissant tout sécher sur ses mains. C'est pas que ça change, Esther. Pour toi non plus, ça ne change rien. Seulement, on a été élevés de façon à croire l'un dans l'autre, on vous bourre le crâne avec ça et on continue, comme si rien n'était. Je pensais que... si je m'occupais encore de lui, il sentirait que quelqu'un était encore là. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je voulais simplement empêcher que tout dégringole. Ça ne marche pas. Vic, est-ce que vraiment quelque chose s'écroulait? Avons-nous vraiment été élevés de façon à avoir foi l'un dans l'autre? Nous avons été élevés de façon à réussir, non? Pour quelle autre raison m'aurait-il respecté et pas toi? Mais qu'est-ce qui s'écroulait? Qu'est-ce qui pouvait s'écrouler? Est-ce qu'il n'y avait jamais eu d'amour ici? Quand il a eu besoin d'elle, elle a vomi. Quand tu as eu besoin de lui, il a ri. Mais ce qui était intolérable n'est pas que tout s'écroulait, mais qu'il n'y avait rien ici. Jamais rien. Mais qui peut regarder cela en face? Il le faut. Il n'y avait pas d'amour, pas de loyauté. Excepté la sienne. Rien d'autre ici qu'un simple accord financier. C'est ça qui est intolérable. Et tu as décidé de ne rien voir. Oui, Vic, j'ai vécu dans cette baraque. Ils ne s'étaient jamais aimés. Il avait sans fois répété que son mariage avait détruit sa carrière musicale. Mais j'ai vu que rien ne marchait ici, Vic. Mais il ne me poursuit plus avec cette vomissure plein les mains. Mes journées m'appartiennent maintenant. Je n'ai plus peur de prendre le risque de faire confiance en quelqu'un. Toi. Il n'a jamais pu supporter la vue du sang. Une souris ici, il dégringolait les escaliers. Il était timide, sensible. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fourré tout droit dans la profession la plus violente qui soit. Tu t'inventes une vie de sacrifice, une vie de devoir. Mais ce qui n'a jamais existé ne peut être maintenu. Tu ne maintenais rien. Tu niais ce qu'ils étaient. Illusion, Vic. Tout cela n'est qu'illusion. Et si tu pouvais passer au travers, nous pourrions peut-être nous rejoindre. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que pendant ma maladie, j'avais été tellement frappé par le fait que nous sommes frères. Il s'agissait simplement de deux routes qui semblaient différentes, mais qui partaient du même piège. C'est presque comme si nous étions les deux moitiés d'un même homme, comme si nous ne pouvions pas très bien avancer seuls. As-tu jamais ressenti cela? Vic? Bah, tu vois, Walter, il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas très bien savoir ce que j'ai contre toi. Parce que rien de tout cela n'est vrai, Vic. Au fond de toi-même, tu le sais. Mais alors donne-moi quelque chose de vrai! Mais qu'est-ce que tu as à me donner? Tu as fait ton choix, Victor. C'est à toi de regarder cela en face. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en face? Esther et moi, il va falloir rentrer tous les deux à la maison quand tu seras parti à nous regarder dans le blanc des yeux, mais toi... Toi, qu'est-ce que tu regardes en face? Je t'ai offert tout ce que je pouvais. Je le saurais si tu m'avais donné quelque chose, Walter, je le saurais. Tu ne veux pas la vérité. Tu veux que je sois un monstre. T'es venu pour la bonne vieille poignée de main fraternelle, n'est-ce pas? Pour l'accord parfait. Et tu te retrouves avec le respect, l'argent, la carrière, et par-dessus le marché, la certitude que tu es un gars très bien, qui n'a jamais fait de mal à personne. Eh bien non! Non, tu n'auras pas tout ça! Pas avant que j'y aie droit, moi aussi! Et toi? Tu n'as jamais eu aucune haine contre moi? Tu n'as jamais souhaité de me voir démoli? De me détruire avec cette comédie du sacrifice? Mais qu'est-ce que tu as à me donner? Mais je n'ai plus rien à te donner, Walter! Plus maintenant, rien! Et toi, tu n'as rien à me donner! Nous n'avons rien à nous donner! Je ne voulais pas qu'il finisse sur la paille, et j'ai gagné, c'est tout! Je pourrais pas travailler avec toi, Walter, maintenant. Je ne peux pas, je n'ai pas confiance. Vengeance! Il sacrifie sa vie à la vengeance jusqu'au bout. Il n'a rien sacrifié. Pour prouver par son échec quel saligo je suis, pour se pendre sur le seuil de ma maison. Oh, je vous en prie, ne dites plus rien. Vous laissez tomber tous les deux. Et c'est là tout votre idéal. Vous n'avez pas le courage de faire face. Mais votre échec ne vous donne aucune autorité morale. Pas avec moi. J'ai travaillé pour ce que j'ai fait. Et il y a des gens qui se baladent maintenant qui seraient morts si je n'avais pas travaillé. Oui. Il était plus malin que nous tous. Il a vu ce que tu voulais et il te l'a donné. Tiens, vas-y, vieux filou. Roule-les comme tu veux. Ils adorent ça. Jamais. Plus jamais tu ne me feras honte. Walter! Non, laissez-le. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle que soit la chose qu'on croit, croire ce qu'on voit. Merveilleux. C'est peut-être pourquoi ça marche toujours. J'ai monté ces escaliers pour la première fois, j'avais 20 ans. 20 ans, est-ce possible? Et il avait un frère, le plus habile, le plus jeune, merveilleux chirurgien au monde, comme il le deviendrait bientôt lui-même. Et il y avait un vieux monsieur, plutôt charmant, inoffensif, qui attendait toujours des nouvelles. Et la semaine prochaine, des hommes qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler, viendront, démoliront tout et emporteront tout. Pourquoi l'aspect irrévocable des choses semble-t-il toujours si irréel? J'ai si souvent pensé que ce qu'il désirait le plus, c'était de parler à son frère. Son frère est venu et il est reparti. Et pourtant, un petit pas de plus. Il me semble qu'une sorte de pardon insensé aurait pu nous être donné et qu'enfin on aurait pu être délivré. Quand cesserons-nous d'être aussi bêtes? J'avais une fille, qu'elle repose en paix. Elle s'est ôté la vie il y a presque 40 ans. Et ces temps derniers, je ne sais pas, ça veut dire tous les soirs quand je vais me coucher pour dormir, elle est là assise près de moi, je la vois clairement comme je vous le vois. Alors, s'il y avait un miracle et qu'elle revient à la vie, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Ah, monsieur l'officier, vous en avez sept là, hein, des billes. Alors, je vais vous le donner vite là, pardon, vite. Mais ça fait 8, 9, 100, 1000, 11 sont là, et puis alors, $50 de plus. Pour la harpe, là. Bon. Alors maintenant, excusez-moi, je vais travailler, je suis très occupé. Bon, on peut encore aller au cinéma, si tu veux. D'accord. Oh, c'est pas la peine. Tu peux rester comme tu es. Au revoir, monsieur Salomon. Au revoir, ma chérie. Vous l'avez une très belle robe, hein? Merci. Bon, alors, quand est-ce que vous viendrez déménager tout ça? Oh, ça, avec l'aide de Dieu, si je suis encore en vie demain matin, à l'aube. Bon, ben alors, je viendrai plus tard chercher mon costume avec le fleuret, le masque et puis les gants. Oh, vous n'inquiétez pas, monsieur l'officier, vous ne toucherez pas, hein? Eh bien, je suis heureux de vous avoir rencontré, Salomon. Oh, moi aussi, monsieur l'officier. Et je vais vous le remercier. Et de quoi? Oh, jamais j'aurais pensé que j'aurais recommencé à travailler comme ça, grâce à vous. Alors eh bien, maintenant, excusez-moi, je suis très occupé. Eh bien, bonne chance. Hein. Oh, mon garçon, la chance, on la connaît jamais que la dernière minute. Ah, j'ai raison. C'est exact, oui. Bon, alors, Salomon, au revoir. Shalom. France Culture vous a présenté Le Prix d'Arthur Miller. Adaptation et mise en scène de Thierry Maumier de l'Académie française. Avec Victor, Paul et Coffard, Esther, Françoise Delisle, Salomon, Claude Dauphin, Walter, Roland Rodier. Prise de son, Jean Capellutti et Georges Mancini.